89.1 Trois-Rivières. Vous êtes assez vous? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan de cette semaine à l'Assemblage requis. Tania Baudin est absente et j'accueillerai deux co-animatrices invitées plutôt qu'une pour la remplacer. Et on doublera le plaisir avec deux fois sexiste et deux fois une grosse pointe tendresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Bonjour et bienvenue à Assemblage requis pour la semaine du 8 août 2016. Je m'appelle Mathieu Plante et aujourd'hui, Tania Baudin est pas là parce qu'elle a une voix de gorille. Oui, effectivement. Tu l'as remarqué, hein? Oui. Donc, pour la remplacer, j'ai Linton avec moi. Ça va, Linton? Mais oui, toi, Mathieu Plante. Absolument. J'ai tellement aimé l'expérience avec toi quand je t'ai pris par surprise et que je t'ai dit « Ah oui, devant le micro! » Go, live! Parle, fille! Donc, bonjour à toi, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, absolument. J'ai dit tantôt que j'allais avoir deux co-animatrices. On va avoir quelqu'un qui va se présenter en fin d'émission. Notre ancienne co-animatrice, Stéphanie Paradis, va être là pour la chronique Une grosse pointe en dresse. C'est parfait. Super fun. Est-ce que tu veux entendre qu'est-ce qui s'en vient dans l'émission d'aujourd'hui? Oui, évidemment. Je vais t'offrir une chronique de C'est un fait, bien sûr, où on va apprendre un petit peu plus de choses dans la vie de tous les jours. Tu manges le Starburst à l'orange, hein? Oui. Je savais pas que ça existait encore. Ben, apparemment, oui. Avec la face que tu fais, ça a pas l'air super bon. Non, non, c'est bon, mais c'est juste que je trouve que ça goûte, tu sais, vraiment le sorbet à l'orange. Oui, bien. Fait que c'est vraiment bon, mais tu sais, je trouve ça drôle parce que mon copain, il en a comme mangé genre 10 ce matin. Okay. Toutes les mêmes couleurs? Non. Ah, mélange. Ouais, mélangé. Okay. Est-ce qu'ils sont chauds? Parce que c'est pas bon chaud, ça. Ils sont corrects. OK, good. Température pièce. Oui, température pièce, exactement. Dans une pièce bien climatisée. Oui. On a aussi du sexisme, ça ne devrait pas. Là, on va pas s'acheter des bonbons, mais quand même, il n'y a pas juste des bonbons à s'acheter dans la vie. Il y a des affaires un petit peu plus chères qui méritent une carte de crédit. Ça, c'était en milieu d'émission. On a aussi une grosse pointe à l'adresse. Comme j'ai dit tantôt, on va goûter à des produits du tiroir, c'est-à-dire acheter en épicerie ou en dépanneur. Et aujourd'hui, c'est Stéphanie Paradis qui va venir nous amener quelques produits. Donc, j'ai entendu dire deux. J'ai très hâte de savoir ce que ça va être à la fin de l'émission. Alors, on va commencer par contre dans quelques instants avec son foutu palmarès parce que le mois d'août est commencé. On a quelques fêtes à célébrer pendant ce mois d'août. Donc, on va faire ça, toi et moi, dans quelques instants. Parfait! T'as l'air de pas être sûr! Ben, effectivement, un peu. Ça donne la même face qu'un Starburst à l'orange, étrangement. Ah, mais c'est bon, un Starbucks. Ben, tu vois, t'as fait une drôle de Starbucks face. Starbucks à l'orange. T'as fait une drôle de face, mais t'as aimé ça. C'est pareil pour la chronique qui s'en vient. D'accord. T'as fait comme. Ah, oh, ben, c'est pas si pire. Je te fais confiance. Et bien, une chance que t'es là pour. Arme, mais je te fais confiance. Aujourd'hui, t'es une bonne actrice. Tu fais semblant de m'apprécier. Oui. Alors, on écoute Artifice Palace, voici entre tes mains. Ouh, hein. Comme un Starbucks qui devient chaud entre tes mains. Exact. C'est. Mais je le tiens, tu peux dire. Pardon. Memphis Palace, c'est la pouce numéro 15 du palmarès francophone. La pièce Entre tes mains sur l'album Rusty Flowers. On a commencé ça mollo l'émission aujourd'hui. Hein? Très mollo. Très mollo. C'est doux, le doux, doux, doux dans la gorge. Mais ça pogne d'un an. Effectivement. Comme un Starburst. Oui, très exact. Donc, Tania, la première. Pas Tania, Lintal. Hey, justement, on a un fan qui nous a écrit tantôt, qui a dit salut Tania. Je fais comme non seulement c'est pas Tania, c'est Mathieu. Et deuxièmement, c'est même pas Tania qui joue le rôle de Tania, c'est Lintal. Oups. Mais. Pas deux. La syllabe, quand même, Tan est présente dans les deux. Oui. Faut le dire. C'est l'intention qui compte, là, faut voir. C'est comme c'est, ça. Non. C'est l'intention qui compte. Je m'excuse. La liste des blagues que je peux faire dans les émissions est tellement extrême qu'on a fait une chronique juste pour ça. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Pour ceux qui veulent suivre avec nous à la maison sur la page de Sondage Requis, vous pouvez aller dans l'émission d'aujourd'hui, à l'émission numéro 981, et c'est dans la chronique Son foutu palmarès, le premier lien. On va faire ça tous ensemble. On va commencer avec le palmarès des fêtes à célébrer au mois d'août. Hein? Pourquoi pas? Donc, le mois d'août est rempli de... En fait, est-ce que tu connais, Lintan, une fête connue dans le mois d'août? Dans le mois d'août? Ouais, pas bien, hein? Ben, en tout cas, de connaissance, il n'y en a pas. De ma connaissance, non plus. Mais il y a des fêtes alternatives qu'on va peut-être pouvoir célébrer ensemble, ou en tout cas, celles qu'on n'a pas encore manquées parce qu'on est rendu à presque mi-août. Commençons par le 1er août, qui était en fait la fête des copines ou des soirées entre copines. OK, comme copines, genre amies. Ben, copines et copines, les deux. Ok, je comprends. Donc, certains disent que c'est la fête pour célébrer ta copine, alors que d'autres disent que c'est une journée où les femmes peuvent célébrer leur amitié entre femmes. Mais peu importe, on célèbre les femmes en général, donc le 1er août. Hein? Ensuite, toujours le 1er août, c'est la journée respectuez vos... respectuez. On va recommencer ça. 1er août, la journée où vous pouvez respecter vos parents. Hein? Les parents qui ne se sentent pas appréciés vont maintenant avoir une raison de dire à leur enfant « Respecte-moi. Respect my authority. » Hein? Effectivement. Toujours le 1er août, on reste vraiment dans le début du mois pas mal longtemps, c'est la journée qui s'appelle Rounds Resounding Day. Donc, c'est une fête qui rend hommage à l'art de chanter en ronde, donc c'est-à-dire trouver des amis qui ont une voix parfaite et réchauffer les cordes vocales. Faire des rondes vocales en chant. Je connaissais pas ça, mais c'est Rounds Resounding Day. C'était le 1er août. Il y a normalement des fêtes au le 1er août. Et des fêtes que personne ne veut célébrer comme... Ah, attends, non, celle-là, la prochaine, je vais la célébrer. Il y en a qui ont une phobie de ça, mais moi, j'adore. C'est la journée, le 6 août, la journée nationale de la moutarde. Bonne journée pour manger des hot dogs, bien sûr. La moutarde. Est-ce que c'est ton condiment préféré, Lintan? Oui. Oui? Oui. Crime, ça n'a pas été long. Même pas eu besoin d'y penser. Non, vraiment pas. La moutarde, là, j'aime ça, je pourrais... Non, je pourrais pas en manger à cœur, mais... Sur tes desserts, non. Ben, non, OK, non, pas ce point-là, non. Mais j'aime vraiment ça. Le reste de la liste ferait quoi après moutarde? Ketchup, mayonnaise, relish? Cheese whiz? Non, j'aime pas le cheese whiz. Non plus. Je mettrais mayo, mais pas n'importe quel mayo. Oh, la vraie mayonnaise, pas sauce à salade et pas marque maison non plus. Non, c'est ça, mayo de Kraft. Je suis d'accord, j'ai acheté une mayonnaise marque maison, j'ai pas aimé. Mais je vais en finir pareil. Ben, j'espère, mais, parce que tu l'as payé, c'est quand un même. Gros pot. Même chose, par contre, celui que je finirai pas, c'est le beurre d'arachide. J'ai acheté un beurre d'arachide de marque Sélection. Crémeux, je l'ai vraiment, vraiment pas aimé. J'ai acheté un autre pot de Planters et je ne finirai pas la sélection. Désolé, métro. Ensuite, le 7 août, c'était donc avant-hier pour les gens qui nous écoutent en direct, c'est la journée nationale des phares. Donc, c'est le jour dans l'année où on peut regarder les phares briller de tout leur feu. Hein? C'est pas beau. Mm-hmm. Le 7 août, c'était la journée des sœurs. Des sœurs comme dans ta sœur, pas les sœurs de... d'église. Tu pensais que c'était ça, toi aussi? Hein? Ouais, pendant 5 secondes, j'étais comme, OK, tu me laisses. Est-ce que t'as des frères et sœurs, Lintan? Non, j'ai 6 enfants, une. Oh, ben, Colin! On sait ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire qu'elle était fendante. C'est pas vrai. Princesse. Non, je le sais pas. Mais je suis princesse. Ah, voilà. Mais je suis pas fendante. C'est deux choses différentes. Non, snob. Je suis princesse. C'est pas pareil. Snob, France, pas huit... Elle a le nom là, mais c'est pas de sa faute, c'est la génétique. 8 août. Oh, boy. Hein. Génétique. On dit 8 août. C'est... Attention, faut juste le traduire comme faut. C'est d'amener des zucchinis sur le pas de porte de tes voisins. OK, puis y'a-t-il un nom spécifique à ça? C'est sneak some zucchini onto your neighbor's porch day or night. C'est vraiment... C'est pas un euphémisme pour aller, genre, avoir des relations sexuelles sur le pas de porte dans l'entrée, non? C'est vraiment des zucchinis. OK. C'est pas... C'est rien d'autre. Je vois. Ensuite, 10 août. Pour nous, c'est demain. C'est la journée nationale des s'mores. Les s'mores, c'est ce que c'est? Ben oui. Biscuit Graham, chocolat guimauve? Oui, fondu. Fondu, pas fendu. Non, fondu. C'est tellement fendante que tu dis tout le temps fendu ou de fondu. C'est ça? Pas. Mais c'est bon, que ce soit des craquelins à ça, des crèmes glacées à ça, barre de chocolat aux s'mores, c'est tout le temps bon, les s'mores. Ah, c'est tellement bon. Génial. Ensuite, le 13 août. Miam. Ah, miam pour le prochain, ah, je le sais. Le 13 août, c'est la journée des enfants du milieu dans une famille de frères et sœurs. Enfants du milieu, comme dans okay, pas le milieu, ouais. Pas le plus jeune, mais dans le milieu. Ouais. On comprend. En français, est-ce qu'on a un mot pour ça? Middle child, l'enfant du milieu. Ouais, l'enfant du milieu. Parce que t'as cadet, qui est le jeune. Plus jeune, oui. T'as... C'est quoi le mot pour le plus vieux? Voyons. Ah! Ben moi, j'ai passé le plus vieux. Non, le plus vieux, il y a un mot pour ça. Elle est ma cadette, elle est ma... Non? Fill in the blank. En tout cas, les auditeurs vont nous dire ça sur Facebook dans deux secondes. Ben oui. Ensuite, ouais, ben, en fait, notre auditeur, numéro 1 préféré, est rendu à la moutarde. Fait que je pense qu'il y a un petit délai. Attention, il est en train d'écrire. Sœur cadette, sœur majorette. Non? Non. C'est long. Tap, parce tap, qu'une tap. Majorette, c'est comme une cheerleader. Ouais, ah, c'est ça. On passe au prochain, c'est trop long. 15 août, la journée nationale de la relaxation. Mmh. Oui, on célèbre ça dans un hamac, sur la plage. 15 août, 15 août. Attends, ça tombe quand, ça? Ah, ça tombe lundi prochain. Oui. Mais là, c'est triste. Qu'est-ce que tu travailles? Ouais, je travaille. Ça, 16 août. Celui-là, je dois dire que je le connais pas. C'est la journée des blagues de Joe Miller. Joe Miller, qui était un acteur anglais du 18e siècle, sa réputation comme un homme sérieux était tellement bien connue qu'on a maintenant une fête en son honneur. Une fête, j'imagine, pour essayer de faire rire la personne qui est trop sérieuse. Tu sais, dans un duo humoristique, il faut tout le temps que tu aies le sérieux de la gang. Ouais. Sauf dans Dominique et Martin, les deux sont pas drôles. Sauf dans Les Grandes Gueules, les deux sont pas drôles. Mais à part de ça. 16 août, la journée nationale. Oh boy, oh là, ça tombe mal par contre. C'est quoi? C'est la journée nationale du roller coaster. Tu sais, là, les gros manèges, là, les. Tu sais, il y a un gars qui vient de mourir là-dedans. Il y a un gars qui vient de mourir là-dedans? Ben oui, le petit garçon de 12 ans qui est mort là, sur un manège. Là. Mais je sais pas, j'ai pas tant suivi les nouvelles dans les derniers jours. Les montagnes russes. Oui. Ben, il y a un garçon de 12 ans qui est mort dans un bar. C'est pas vraiment une montagne russe, c'est une glissade d'eau. Mais en forme de montagne russe avec des bosses. Il est mort. C'est triste. Je sais pas. Ça s'est passé quand, ça? J'ai manqué. Il y a peut-être hier ou avant-hier, je pense. OK, c'est récent, là. C'est très récent, ouais. C'est aussi, ça va devenir aussi gros que Harambe, le gorille avec le petit enfant. Oui. Il y a quelques mois. Je pensais pas que c'était si récent que ça. 16 août, donc la journée nationale des montagnes russes. Oui. Donc, qui s'est installée aux États-Unis pour distraire les gens il y a plus de 130 ans. Voilà, 130 ans. 18 août, la journée de la mauvaise poésie. Ah, la mauvaise poésie dans le monde qu'on peut commémorer. 20 août, la journée internationale du géocaching. Est-ce que tu connais le géocaching? Ce qu'on appelle des fois, il y avait une émission à TVA qui s'appelait La Cache. C'est ouais, un mais GPS. Ça ouais, faut que tu trouves quelque chose qui est caché dans le monde. Avec oui, ok, oui, j'en entends parler, oui. C'est comme le fun, comme cool. Donc, c'est la journée internationale de ça. Et évidemment, c'est l'année de Pokémon Go cette année, donc c'est pas mal du géocaching parce que les Pokémon sont cachés. 26 août, la journée nationale des chiens. Des chiens. C'est à peu près ça pour le mois d'août. Notre auditeur n'est pas assez fiable. Il a commencé à écrire puis a annulé sa arrêté. Réponse. Ouais, c'est ça. En tout cas. 10 fêtes célèbres. De personnes célèbres à célébrer au mois d'août maintenant. Oh boy. Oh boy. Peut-être quelques gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on va pouvoir apprendre à connaître grâce à cette liste-là. Donc, des figures historiques nées pendant le mois d'août. 1er août 1818, c'était la naissance de Maria Mitchell. C'est qui était ça? Une astronome américaine. Elle a découvert une comète en 1847, pardon. C'est aussi devenue la première femme membre de l'American Academy of Arts and Sciences et l'American Association for the Advancement of Science, donc une femme scientifique. Oui. Est-ce que tu la reconnais maintenant? Ou tu l'approuves? Je l'approuve. C'est je ça. La reconnais pas, mais je l'approuve. C'est la première personne qui a été choisie pour être sur la faculté du Vassar College. Elle a été nommée directrice du Vassar College Observatory. Elle est aussi pionnière de l'égalité salariale. Quand elle a découvert qu'elle ne faisait pas autant d'argent que son que ses collègues masculins demandaient une augmentation, et elle a eu. Félicitations. Quand même. 4 août 1901, la naissance de Louis Armstrong. Pas celui qui a donné sa lune, c'est le musicien, ça. Louis oui. Armstrong. Sa date de naissance était le 4 août 1900, mais en 1988, l'historien musical, oui, Thaddeus Thad Jones, a trouvé un baptême, pas baptême, un enregistrement, quelque chose qui faisait état de son baptême, oui. Qui disait que sa naissance était vraiment le 4 août 1901 et non pas 1900. On ne sait pas pourquoi il a menti sur son anniversaire. Certains croient qu'il a fait ça pour s'inscrire dans, dans un groupe de musique militaire. Il ne devait pas avoir l'âge, donc il a fake d'avoir un an de plus. Hein? Comme papa, mais j'imagine qu'il devait avoir 18 ans. Oui. D'autres ont comme théorie qu'il pensait qu'il aurait plus de chances à booker des gigs, donc à avoir des performances musicales dans des bars, par exemple, s'il avait plus de 18 ans, alors qu'il avait 17 ans à l'époque. Tout est J'avoue, ça serait logique. Ouais. Pas de fausse carte, juste à dire que tu es né en 1900, c'était non, pas là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Photoshop encore, c'est la version 1.0. Ça. Non. 5 août 1930, ah ben Colin, quel drôle de hasard! Je viens juste de parler de Louis Armstrong, qui est non pas l'astronaute, mais le musicien. V'là-tu donc que c'est pas son frère de notre mère? Brother from another mother, Neil Armstrong, qui est né le 5 août 1930. Quel hasard! Enfin, savais-tu, Linton, que la célèbre citation « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité » ou l'espèce humaine ouais. Est dans le fond critiquée parce que grammaticalement, c'est incorrect. L'astronaute voulait dire « That's one small step for a man, one giant leap for mankind », mais il a sans faire exprès dit « That's one small step for man », qui est dans le fond un petit pas pour l'homme, one giant leap for mankind », un grand pas pour l'homme. Dans le fond, les deux veulent dire la même chose, « man » et « mankind ». Il aurait dû dire « a man », un homme, tu comprends? Donc apparemment qu'il s'est trompé. Ça dit qu'en fait, après Apollo 11, Armstrong dit qu'il avait dit correctement depuis le début. Il dit qu'il y a eu de la statique dans la transmission radio, que c'est la raison pour laquelle on n'a pas entendu le « a man ». C'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Plus tard, Armstrong a écouté un extrait de la citation, un enregistrement. Et peu importe la vitesse, peu importe le volume, il n'y avait pas de statique, il n'y avait pas de « a ». Fait que là, il était comme « madame, je l'ai vraiment dit. J'ai dit comme faux, je te jure que j'ai dit comme faux. Moi, je le crois pas. Il y aurait eu de la statique. Admets ton erreur. Mon erreur? Pas ton erreur. Je parlais à M. Armstrong. D'accord. Perfection. En tout cas, moi, je le crois pas. Assume ton erreur. 6 août 1911, la naissance de l'humoriste comédienne Lucille Ball. C'est qui, elle? La dame qu'on connaît, entre autres, parce que sa série a joué au Canada, au Québec. Lucy quelque chose. Ouais, je me souviens, j'ai même vu le générique d'ouverture de cette émission-là au Québec. C'est une actrice, une femme d'affaires, la première femme à être chef d'une production, d'une compagnie de production hollywoodienne, Desi Lou Productions, avec son mari. Elle est devenue présidente de la compagnie qu'elle a fondée avec son ex-mari, Desi Arnaz, en 1962. Elle l'a vendue 5 ans plus tard. Pendant les 2 décennies de Desi Lou, ils ont produit des séries comme Star Trek, Mission Impossible, The Untouchables et, évidemment, I Love Lucy et tous ses dérivés. C'est la rousse de service... bref, si tu vois pas sa face, tu le sauras pas. Fait que je vais t'en montrer. Ah, merci, parce que je suis vraiment visuelle. Fait que là, en ce moment, tu me disais ça, j'étais... C'est ça, je lui ai montré la photo. Vous allez devoir aller voir sur le site internet, mais quand même, Lucy... Lucille Ball, voilà. Ensuite, le 8 août 1866, c'était la naissance de Matthew Henson. Henson, qui était le premier explorateur... on dit African-American Arctic Explorer, donc un explorateur de l'Arctique qui est noir. Afro-américain. Mm-hmm. Il a voyagé avec Robert Edwin Peary. Il était le premier homme pendant plus de... le premier homme. Pendant plus de 2 décennies, il a fait partie d'une expédition, disant être la première à s'être rendue au pôle Nord géographique en 1909. C'est disputé par bien des gens. Edwin était le navigateur. Il était connu aussi pour sa relation avec le peuple Inuit. Il a appris la langue et les coutumes. Il a même mérité son propre surnom, Maripalouk. Ou encore Matthew the Kind One, donc Matthew le Gentil, si on veut. Ensuite, 13 août 1899, la naissance, ah, crime de Alfred Hitchcock. Oui, Hitchcock est maître de l'horreur, qui lui-même a quelques phobies. Entre autres, il a peur des œufs de poulet. Il a peur des cellules de prison. Il a peur, ça dit, souffler making, donc de faire des soufflés. Mais attends, il a peur des œufs de poulet. Des œufs de poulet. Fait que là, genre, il mange pas d'œufs. Pas deux. J'imagine que non, c'est ça. C'est quand même spécial pour un gars qui a fait des films d'horreur avec les oiseaux partout puis la psychose. C'est ce que je m'en allais dire. Mais bon, j'espère un jour que quelqu'un a fait une parodie de Hitchcock avec un film sur des œufs de poulet. On va chercher. 13 août 1860, la naissance de Annie Oakley. C'était donc une tireuse d'élite qui est devenue populaire en voyageant avec Buffalo Bill's Wild West Show. Elle s'est mérité un des surnoms les plus connus, tu vois, moi je le connaissais pas, de la part d'un chef Oompa-Pa Lakota. Donc c'est Wataria Sicilia ou Little Sure Shot, donc petite qui tire tout le temps en plein milieu de l'acide. C'est plus bon en anglais. Il aurait demandé à Annie. Il a demandé d'adopter Annie après avoir vu cette fille-là tirer sur le cœur dans un paquet de cartes à 30 pas de distance. Tabarnine! Quand même, hein? Il y en a qui sont impressionnants, pareil. Ben oui! Elle a peut-être fait les Olympiques. Non, je pense que c'était pas encore commencé en 1860. Hein? Non. 15 août 1912, c'est la naissance de Julia Child, la chef télévisuelle. Avant de devenir donc la chef préférée des États-Unis, Julia Child travaillait pour l'Office of Strategic Defense Services, pardon, qui était le prédécesseur de la CIA. Tabarnouche. Une des tâches de l'organisation pendant qu'elle était là était de développer un repousse-requin pour empêcher les attaques de requins. La recette gagnante qui était du copper acétate, donc acétate de cuivre, laiton. Maudit, tout le même mot à chaque semaine en plus. Mélangé avec une teinture noire. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, mais quand même, c'était employé par l'armée et par la Coast Guard, donc la garde côtière, pendant environ 25 ans. Pas mal, hein? Pas pire, Julia Child. 25 ans, c'est quand même plus vieux que moi, par en tout cas. Oui, c'est vrai que t'es très, très, très, très jeune, Linton. Ben, très. Ben oui, t'es jeune. Ouais, c'est sûr qu'à côté de toi, tu sais, toi, t'es comme un grand-père. Merci. Copper, c'est du cuivre, donc acétate de cuivre, je mets. 17 août 1786, c'était la naissance de Davy Crockett, un héros du 19e siècle. Son chapeau de poêle est très connu quand même, mais l'image historique de Crockett pourrait être différente de celle qu'il a donnée à cause de son chapeau. Il disait ne pas se soucier de la mode. Pour un certain portrait, il a demandé à l'artiste John Gadsby Chapman de le montrer en train de rallier des chiens pendant une chasse à l'ours. Crockett a même acheté des accessoires extérieurs, donc qu'on utiliserait dehors, et voulait être montré en train de tenir son chapeau dans ses mains. Apparemment qu'il portait quand même ce chapeau-là dans la vie, mais je pense que c'est le chapeau qu'il avait dans sa main qu'on a présumé qu'il était tout le temps sur la tête du gars, donc c'est pour ça qu'on le montre avec le chapeau dans les films ou dans les documentaires ou peu importe. C'était plus une question d'accessoires de mode pour faire sa marque qu'un choix vraiment authentique. Ensuite, le 22 août 1893, c'était la naissance de Dorothy Parker, donc une écrivaine connue pour son ton, qu'on pourrait dire... pas acidique, ça c'est les juifs. Un genre de ton un petit peu... comment je pourrais bien dire ça? Je sais pas. Bref, elle avait un ton particulier dans son écriture, un petit peu acerbe est le mot que je cherchais. Une chance que je prends un quiz télévisé avec des caméras sur moi. Hein? Une chance, hein? Eh boy. Donc son épitaphe sur sa pierre tombale lit « Pardonnez ma poussière. Excuse my dust. Pardonnez ma poussière. » Eh ben. Voilà, donc c'était les naissances du mois d'août. Je pense que le prochain est quand même assez simple à faire. Ouais, on va faire ça. J'avais préparé aussi la liste, tant qu'à avoir un petit garçon mort sur une glissade d'eau aux États-Unis en fin de semaine. On va continuer avec le palmarès des manèges les plus excitants aux États-Unis. Pourquoi pas? Ça n'a absolument rien à voir avec le mois d'août, mais c'est pas mal le mois où les gens sortent le plus parce que c'est les vacances de la construction. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est le dernier bout de vacances aussi, fait que les gens profitent. Si c'est pas là, ça va être quand? Hein? Aller dans les manèges aux États-Unis? Hein? Jamais. Moi, j'aime pas les manèges, toi? Moi non plus. Oh boy. Ça nous rend vert, je pense. Ou ce qu'on en fait. En tout cas, moi, là. Ben, ouais, je te dirais que ça me rend pas vert. Je suis dans un cercueil. Ah oui! Littéralement. Pardonnez ma poussière, comme on dirait. Donc, 10 des manèges les plus excitants des États-Unis, basés sur leur vitesse, leur hauteur, leur chute inattendue et leurs inversions. Commençons par le Viper au Six Flags Magic Mountain à Valencia, en Californie. Donc, c'est un gros train vert qui vous amène et qui vous fait tomber de 171 pieds. 7 boucles, 7 loops, une après l'autre. Viper ne vous donne pas de moment pour vous rattraper. Les pistes, donc les tracks d'acier qui sont rouges, mesurent 3800 pieds. Il faut voyager 70 000 à l'heure. Ça vous fait voyager 70 000 à l'heure pendant 2 minutes et demie. Wow! Ensuite, on va à Mason, en Ohio, pour le Banshee, qui est au Kings Island. C'est j'ai de la misère avec le mot roller coaster. La montagne russe, voilà, inversée la plus longue du monde. Plus de 4100 pieds de rail. Banshee est une expérience unique. Ça dit que c'est un manège bleu et rouge avec 7 inversions, des vitesses jusqu'à 68 000 à l'heure, pardon. Et t'as l'impression de flotter dans les airs quand tu tournes. Yark. Mm-hmm. Ensuite, on va à Hershey, en Pennsylvanie, hein, pays du chocolat miam, pour le Sky Rush au Hershey Park. Il y a un parc Hershey. Wow. Miam. Avec des vitesses super rapides et des chutes 5 chutes zéro gravité. Le Sky Rush est le manège le plus intense de Hershey Park. La vitesse maximale est de 75 000 à l'heure et le manège vous amène jusqu'à une hauteur de 213 pieds. Si vous voulez être encore plus excité que ça, vous pouvez vous prendre une place dans un des sièges qui sont aux extrémités, qui lui va être suspendu dans les airs à la place d'être directement pogné après le... Après le manège, c'est comme tu balottes dans les airs. J'ai un peu de la misère à m'imaginer. Ouais, c'est ça, moi aussi. Mais bon, je veux même pas m'imaginer ça. Parce que ouais, non, rendu-le, effectivement, t'as raison. Et en fait, il y a des extraits YouTube sur la page sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse, pour ceux qui ont le cœur solide. On s'en va à Farmington, dans le Utah. C'est le Cannibal au Lagoon Park. Si vous voulez faire 70 000 à l'heure, vivre 3 inversions, ressentir la force GeForce 4.2, Cannibal est pour vous. Donc, Lagoon Park dit que ce manège, qui a seulement un an en passant, dit que son niveau est extrême. On descend une chute de 140 pieds et on vit une chute libre verticale. Wow. Ensuite, le Thunderbolt à Luna Park, Brooklyn, New York. Donc, c'est dans Coney Island. Luna Park qui offre 2 minutes de chute, de boucle, de roulée et de tourner sur le côté dans le Thunderbolt. Donc, c'est un manège avec une piste, une traque d'acier qui fait plus de 2200 pieds, qui vous donne une chute de 100 pieds à la verticale, un roulé à zéro gravité de 80 pieds et une plongée de 90 degrés. Tout ça avec une belle vue de l'océan, quand même. Ensuite, au Six Flags Great Adventure and Safari, ça s'appelle le King Daka, c'est à Jackson, dans le New Jersey. Si vous voulez dire à vos amis que vous avez fait le manège le plus haut et le deuxième plus rapide au monde, c'est au New Jersey que ça se trouve, un manège de 456 pieds de haut. Vous allez commencer en accélérant à 128 000 à l'heure en seulement 3,5 secondes sur une piste complètement verticale et ensuite vous allez descendre 45 étages. C'est comme à ce moment-là si la gravité n'existait pas. Ensuite, le Goliath de Six Flags Great America à Gurnee dans l'Illinois. C'est un manège de bois, donc ça pourrait te rendre un petit peu nerveuse. Moi, il me semble que manège de bois, je trouve pas ça safe. Moi non plus, très honnêtement. Apparemment que ça l'est. Jusqu'à temps qu'il y ait un accident. Apparemment. C'est ça, apparemment. donc, une expérience boisée. Goliath est le plus rapide, le plus élevé et le plus profond manège de bois dans le monde. 72 000 à l'heure, 2 inversions, une chute de 180 pieds et 180 degrés de roulée à zéro gravité. Ensuite, on va à Max Air, au Cedar Point, à Sandusky, en Ohio. Le Max Air, donc, qui vous fait tourner de tous les sens, jusqu'à ce que vous perdiez tous les sens d'équilibrium. Vous êtes assis dans une grosse anneau qui tourne, vous faites tourner à des vitesses de 70 000 à l'heure et à 140 pieds de hauteur. La vue des airs vous donne un très beau point de vue sur le prochain manège que vous allez faire. Peut-être que j'allais dire sur le prochain malaise que vous allez avoir aussi. Ensuite, Apollo's Chariot au Busch Gardens à Williamsburg en Virginie. Donc, ça ressemble à juste un manège, une montagne russe bien normale, mais ça a quelques trucs additionnels. Donc, il y a un début très, très lent qui fait des petits bruits de craquement qui mène vers 9 chutes très profondes qui donnent l'impression que tu glisses dans le chariot du dieu du soleil. Disent-ils. Donc, ça dit d'essayer de s'asseoir dans le chariot dans l'arrière pour avoir l'expérience la plus douce. OK, quand même. Et finalement, en dernière place sur la liste de MetalFloss.com des manèges des montagnes russes les plus excitantes du monde, on a Afterburn, pas du monde, pardon, c'est aux États-Unis, donc Afterburn au Carowinds à Charlotte, en Caroline du Nord. Afterburn dure seulement 2 minutes 47 secondes, mais cette montagne russe vous donne l'impression d'être un pilote d'avion dont les jambes ont le droit de balloter en avant dans ton manège, quand même. 62 000 $, 113 pieds de chute, 6 inversions, dont ce qu'on appelle un Immelman Turn, qui est une manœuvre de combat aérien des pilotes de la Première Guerre mondiale. Et bâtard! Ouh! J'en ferais zéro là-dedans, minimum. Non, moi non plus. Et maximum. Minimum et maximum. Vu de même. Arrondi au chiffre le plus près, zéro. Voilà pour cette chronique de son foutu palmarès. On s'en va, tiens, à une place un petit peu plus confortable que dans les airs, c'est-à-dire soit sous la terre ou juste au-dessus de la terre, dans la piscine. Parce que voici Hypnolove et la piscine. Assemblage. Wow, ta piscine, c'est comme plus une barboteuse que d'autres choses. Oups. Miam ou slush? Je veux une slush. Ah oui, j'avoue. À quelle saveur? Il y a quoi? C'est quoi les saveurs, donc? Orange, cerise, framboise bleue. Lime. Lime. Lime. Lime tan. Je sais pas pourquoi, mais en fait, je me disais... Pourquoi je dis ça, là? Parce que je sais qu'il va rétorquer ça. Ça menait vers ça. Je flottais les bras en croix avec au-dessus de moi le soleil pour pénitence. Le cœur et les yeux fermés à la chaleur de l'été. Et il m'arrivait parfois de plonger mon regard froid dans l'eau bleue de tes romances. Le cœur et les poings serrés, je te regardais couler. Le silence, je recule de quelques pas pour te faire tomber à plat. Tu te penches en permanence, mon cœur à moi reste étanche. Tous les sangles dans ta voix ne font que glisser sur moi. Bonne la semaine passée. Elle est encore bonne cette semaine, c'est confirmé. C'était Hypnolove avec La Piscine. Au retour, toujours à Assemblage Requis, on va voir la chronique C'est un fait. C'est un fait. Là, faut écouter. D'accord. Faut écouter. Je t'écoute. Il y a un test à la fin. Oh, crap. OK. Reste là. Assemblage Requis. Et toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Assemblage Requis pour la semaine du 8 août 2016. Je m'appelle Mathieu Plante et aujourd'hui, Tania Baudin a congé par problème de voix, mais Lynn Tan est là pour la remplacer. Eh oui! Évidemment, on ne peut pas remplacer Tania Baudin au complet, hein? Donc, non, tu fais juste réchauffer le siège, c'est exact. Ça? Et en plus, on a besoin de deux personnes pour la remplacer parce que tantôt, Stéphanie Paradis en vient! Oui! C'est annoncé, j'ai même pas gardé l'effet de surprise. Non, c'est un peu poche. J'avoue que c'est plate. T'es plate, comme... Je sais, mais tu me dis tout le temps, fait que c'est pas nouveau. Non, je sais. Va falloir que je trouve quelque chose de nouveau à dire. Absolument. En tout cas, au moins, t'as du goût. Ça, je le sais. T'as beau être plate envers moi, mais t'as du goût. T'as choisi le même crayon que j'aurais choisi dans mon coffre à crayons de 52 crayons. 50. Il y en a au moins 43 ou 52. 52. Et t'as choisi celui en acier, parce que l'acier, c'est cool. Voilà. C'est trois fois. Lintan qui est là pour remplacer Tania un petit peu aujourd'hui. Tu sais, on aime ça, on s'amuse, on a du fun, malgré le fait que Tania soit pas là. Bon, salut d'aller quand même. Oui. On va faire. Oh, crime, je regarde ça, puis j'ai envie d'apprendre. On dirait que ça vient de me pogner. Boum. Un goût d'apprendre quelque chose. C'est la collègue, c'est un fait. Tania est pas là pour chanter et remplacer comme il faut. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Voilà. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Wow! C'est de fait la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet, bien sûr. Hein, c'est la source de toutes les informations du monde. Et si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai. Les sources sont sur assemblagerequis.com. Pour ceux qui ne croient pas, ça fait toujours référence à un article d'une source sûre. Commençons par les cheveux blonds des humains qui se sont développés il y a seulement 11 000 ans. C'était une réponse évolutionnaire au manque de soleil dans le nord de l'Europe pour permettre la synthèse de la vitamine D. C'est pas du vrai blond, Lintan, c'est une coloration que t'as. C'est pas grave. T'as les cheveux bruns à l'avant et blonds en dégradé, genre de... C'est plus vraiment du ombré comme c'était avant, c'est comme plus du... le bout des... Comment on décrirait ça en coiffure? Ben, c'est un ombré. Ah, t'es trempé chocolat blanc. Voilà, trempé chocolat blanc. Me dis ça, ma coiffure, la prochaine fois. Je vais te prendre un trempé chocolat blanc. Croustillant, c'est bien. Ensuite, est-ce que tu connais le Moscow Wall Dog? C'est une sorte de chien. Non, le ça a Moscow. L'air de quoi, ça? Moscow, ah ben là, par contre, attends un peu. Je crois que j'ai un lien vers une photo. Moscow Water Dog. Moscow comme Moscou? Comme Moscou, exactement. Tiens, okay. Un chien poilu, un genre de Beethoven poilu noir. Oh. C'est super cute, hein? À vous, oui. On dirait un petit peu. Attends, Moscow? Moscow Water Dog. En fait, je vais t'en parler pendant que tu cherches. C'est une race de chien qui n'existe plus maintenant, qui a été développée en Union soviétique après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été... comment dire, pas élevé, mais accouplé, en tout cas, bref, pour être des chiens de rescousse dans l'eau. Étant donné qu'ils préféraient mordre les gens qui étaient en train de se noyer au lieu de les sauver, on a permis à la race de se terminer, de faire extinction, comme Tania avec son extinction de voix. Je trouve ça drôle. On pourrait dire dorénavant que Tania a un Moscow Water Dog dans la gorge. Mais c'est pas pire, avoue que t'entraînes les chiens pour aller sauver des noyades, puis... Fini la noyade, tu meurs! Ben, c'est vrai qu'ils sont pas noyés, par contre. Ils sont pas noyés. En 1993, Pepsi a fait un concours aux Philippines qui promettait 1 million de pesos. 1 million de pesos. Ce qui est environ 40 000 $ américains à la personne qui allait trouver le chiffre ou le nombre, le numéro, 349 à l'intérieur de son bouchon. Pepsi a par erreur imprimé 800 000 fois le bouchon 349, ce qui a mené à des menaces de mort envers des exécutifs chez Pepsi pour se faire payer les 1 million de pesos. Refais jamais ça, Mathieu. Ah, caramba! Non, mais avoue, là, comment tu fais pour, par erreur, imprimer, tu sais, t'es comme dans ton logiciel d'impression, 800 000! C'est comme... Bonne question. Il y en a qui sont... Ouais, mais il y en a qui sont juste moins habiles que d'autres dans la vie, tu comprends? Les gens qui sont très, très, très blasés de leur travail. Aussi. Ça arrive. Ensuite, Salvador Dali. Tu connais Salvador Dali? Oui. Je vais faire ça à chaque nom qui est un petit peu exotique. il prenait des micro-siestes en s'assoyant dans une chaise, en tenant une clé de métal sur au-dessus d'une assiette. Donc, il mettait une assiette par terre, clé de métal dans la main, faisait sa sieste et quand il s'endormait, il échappait la clé parce que les muscles se relaxent mm-hmm. et ça se réveille. Ça le réveille. Il faisait des micro-siestes. Mais dans quel but? D'être frais et dispo. Parce genre comme un power nap? Comme un power nap. Il y a des applications pour ça maintenant sur iPhone. Tu sais, entre autres, pour faire des micro-siestes, c'est vraiment cool. Ça fonctionne. Ensuite, en 1898, Nikola Tesla. Ok, arrête! Nikola Tesla, en 1898, a déjà réussi à comment dire, faire une blague, à tromper une foule entière, à croire qu'ils étaient capables, la foule, de contrôler un bateau jouet en criant des commandes. Alors qu'en fait, Nikola Tesla avait inventé le contrôle par onde radio et pilotait le bateau lui-même. Il faisait dire à la foule « Gauche! Droite! » Non, mais c'est d'une telle tristesse. Ça fait juste pourrir les gags, hein? Ouais. J'avoue. Ah, oh là là. Les gags full ado, c'est tellement drôle. Un autre animal maintenant, parce que là on parle de Nikola Tesla, une bête de scène. Donc, mm-hmm. The Horror Frog, une grenouille horrifiante. The Horror Frog, donc lorsqu'elle se sent menacée, elle casse les os de ses orteils. Eww. Oui, et force le bout de ses pattes à sortir de sa peau pour créer des griffes. Aïe aïe! Mais c'est dommage traumatisant. C'est vraiment dégueulasse, mais bon. Oui. En plus, c'est comme poilu sur le bord, là. On ok, arrête, c'est beau, c'est ouais, correct. Okay. J'ai pas envie de me l'imaginer. T'as poil envie de l'imaginer. J'ai poil envie de me l'imaginer. Un homme a survécu à un feu et à un bateau qui coule. Dans le fond, le bateau a pogné en feu et le bateau a coulé. Les deux, OK? Il a survécu les deux fois, en 1871. Ça l'a laissé émotionnellement cicatrisé de l'intérieur, genre. Il se sentait encore très, très mal. 41 ans plus tard, il a enfin réussi à piler par-dessus sa peur, ses cauchemars. Il a décidé de retourner en bateau. C'était quel bateau, tu penses, Gabri? Oui, c'est celui-là. Le Titanic. Ah ouais? Je te jure. Hein? C'était incroyable. Il a survécu à un feu et à un bateau qui a coulé en 1871. 41 ans plus tard, il rentre dans le Titanic. Titanic rentre dans un... Ouais. Ça fit bien. C'était sa destinée. C'était sa destinée. Fallait qu'il meure dans un bateau. C'est tellement... en tout cas, déprimant, je trouve, pour lui. Ça, ça aurait fait un bien meilleur film que Titanic. J'ai hésité en plus à dire ouais. Titanic, puis j'étais comme, est-ce que je l'ai dit? Puis je la conne, ou genre je l'ai dit, puis c'est la bonne réponse? Actuellement, quand je pose la question, c'est que c'est la réponse évidente. OK, c'est bon. Tiens, un arbre bonsaï, tu connais ça, les arbres bonsaï? Oui. Le plus vieil arbre bonsaï au monde a été aimé pendant plusieurs générations, bien entretenu. Le plus vieux bonsaï du monde a 800 ans. 800 oui. ans? Ces arbres-là peuvent pousser, vivre pendant des milliers d'années, en fait. Les bonsaïs, s'ils sont bien entretenus, peuvent aussi devenir... peuvent devenir très, très vieux. Le plus vieux a 800 ans, mais ça pourrait aller encore plus gros que ça. C'est le résultat de plusieurs générations de patience et de dur travail. Celui qu'on voit sur la photo sur assemblagerequis.com, c'est le Japanese White Pine qui a survécu à Hiroshima. T'as l'air moche. Oui! Cet arbre-là a été, donc... six générations de travail et de patience par la famille Yamaki. Voilà. La bombe atomique d'Hiroshima est tombée en 1945. L'arbre a survécu. A plus tard été donné au National Bonsai and Painting Museum à Washington. Il y a une étudiante, qui s'appelle, qu'on appelle communément la Squirrel Whisperer. Les deux mots les plus difficiles de la langue anglaise. Squirrel Whisperer. Donc, celle qui souffle à l'oreille des écureuils. À l'université Penn State, elle a la capacité innée, on dirait, d'attirer les écureuils, en fait. Elle leur donne des petits chapeaux et des petits cache-oreilles pour l'hiver. C'est cool, hein? Elle attire les écureuils, cette fille-là. Mais comment qu'elle fait? Je sais pas. Elle a un don, faut croire. Je sais pas. Genre, elle parle dans le langage des écureuils? On dirait que c'est ça. Mais tu sais, c'est comme César, l'homme qui parle aux chiens, puis l'autre qui parle aux chevaux. T'sais. Chacun son talent, tu sais. Hein? Ouais. Il y a une ville qui s'appelle Y en Arizona. Y comme dans WHY, comme dans Pourquoi. À l'époque, elle s'appelait Y la lettre. À cause de deux autoroutes majeures, les State Routes numéro 85 et 86, qui à l'origine faisaient intersection en Y, mais l'État demande au moins trois lettres dans les noms de villes. Tu peux pas avoir une ville de deux ou de une lettre, donc on a changé le nom de Y pour Y avec un WHY. Hein? C'est pas une belle histoire, ça? La ville, donc, tire son nom de ces deux autoroutes majeures qui se croisent dans l'intersection. Ça dit donc que c'est souvent noté sur la liste des endroits les plus... avec des noms les plus habituels, là, voilà. Le bureau de poste de Bedrock, au Colorado. Bedrock, dans les pierres à feu. Le nom de la ville, les pierres à feu, s'appelait comment, déjà? Je sais pas, mais moi... la Graniteville, changeant? C'est une granite? Comment? Graniteville? Je sais pas. Attends, on va faire une recherche à Internet. Les pierres à feu! Ils font pas sa version française parce que les autres, ils appellent Fred Pierre à feu au lieu de Fred Caillou. Ville Pierre à feu. Ouais. Fais attention. Le film en français joue à V, la version française de France. Je me dis, ils dépensent les quelques vingtaines de dollars de plus pour acheter la version québécoise, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Caillouville. Ouais. Saint-Granit en version québécoise. Saint-Granit, je l'avais dit. Saint-Granit. En France, Caillouville. Hein? Caillouville. Oui, mais regarde bien les noms. OK, les noms... Là, on parle des pierres à feu, puis c'est bien drôle. Nom québécois, Fred Caillou. En France, Fred Pierre à feu. Délima s'appelle Wilma, comme en anglais. Agathe s'appelle Pépite. Hey, Pépite Pierre à feu. C'est la fille, ça, là. Pépite. Pépite. Dino, c'est Dino. Ralbol s'appelle Pousse, c'est le nom du chat. Arthur s'appelle Barney, comme en anglais. Bertha, c'est Betty, comme en anglais. Boum Boum, c'est Bam Bam, comme en anglais. Hoppy pour Hoppy. Edouard. Le reste, Monsieur Miroc s'appelle Monsieur Ardoise, en français. Ce qui a plus de sens parce que ça s'appelle Monsieur Slate et une Slate est littéralement une ardoise. Effectivement. Donc ça a plus de sens. Le grand boubou, ça va, grand gazou. Bon, pense que c'est pas mal tout. C'est intéressant quand même. Donc, on disait que le bureau de poste de Bedrock, donc Saint-Granit au Colorado, reçoit tellement de courriers adressés aux fans des pierres à feu qu'ils ont une étampe officielle spéciale pour rejeter le courrier qui dit « Renvoi à expéditeur, personnage de dessin animé fictif ». Ça dit ça sur l'étampe. Renvoi à expéditeur, personnage fictif de dessin animé. C'est quand même drôle. Quand même le fun. Un jour, le gars qui s'occupe des postes à Bedrock au Colorado était tellement tanné de recevoir du courrier pour les pierres à feu qu'il a fait faire cette étampe-là lui-même. C'est même pas officiel, c'est comme non officiel. Henry Box Brown, Henry Boite Lebrun, a réussi à s'échapper de l'esclavage en 1849. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Box? Parce qu'il s'est envoyé par courrier dans une boîte de bois de la Virginie à l'État de la Pennsylvanie qui était à ce moment-là libéré de l'esclavage. Donc il s'est envoyé par boîte. Par lui-même. Henry Box Brown qu'on l'appelle. Ça devait être long, là. T'sais. Et lourd pour les gens qui transportaient aussi. Effectivement. J'espère qu'il a perdu du poids et qu'il a fait du gym avant. C'était comme leur exercice, mais tu sais, je veux dire, ça devait vraiment être long et pénible pour lui dans Absolument. La boîte. Pauvre gars, mais sûrement moins pénible que d'être un esclave. Oui, ça, faut dire. Un parc thématique en Lituanie recrée la vie pour les gens qui y vont. Recrée la vie de citoyens de l'Union soviétique, de l'URSS. Les visiteurs, donc, se font confisquer leurs appartenances, doivent porter un masque à gaz, ils vivent des interrogations par-dessus interrogations, doivent apprendre l'hymne national soviétique, et leur récompense après avoir vécu ça, c'est une shot de vodka, un shooter. Shooter de vodka. Quand même, hein? Quand même. Parc thématique, pour du plaisir garanti. La ville de New York City, utilisait dans le temps des arbres vidés de leur intérieur, de leur centre, si on veut, comme conduit d'eau. Jusqu'au début du 19e siècle, un exemple de ces lignes d'eau-là dans des arbres était toujours connecté en date de 2006 à la ligne d'eau principale. On se servait de ça comme tuyau. Vraiment bizarre. Oui. Au début du 19e siècle. Je suis d'avis que c'est bizarre. Ouais. C'est un petit goût de sève, genre. Oui. Les dents des gens, ça c'est intéressant, les dents des gens explosaient au hasard jusque dans les années 1800 à cause de mauvais plombage. Avant d'arriver à un amalgame de mercure, il y a eu plusieurs variétés de métaux qui ont été utilisés pour remplir des caries. On utilisait deux différents métaux qui créaient donc une cellule électrochimique, ce qui rendait votre bouche au complet une batterie à faible voltage et éventuellement ça pouvait exploser. Hein? Je suis traumatisée. Là, j'ai peur c'est en ce moment. Je suis dû pour me faire comme 52, comme j'ai dit tantôt. 52. Plombage cet automne. 52 ou 43? Ça dépend. Là, je me demandais si c'était pas 56. Ça dépend. Peut-être plus 59. 59? Ouais. OK, cool. Ensuite, les chercheurs nous estiment que 2/3 des humains ont aucune idée en quoi ils sont bons et quelles sont leurs forces. 2/3 des gens, c'est estimé, ont aucune idée de leur talent. Spécial quand même, 2/3, c'est beaucoup. C'est effectivement beaucoup. Peut-être qu'il y a un petit orienteur de temps en temps. Ça ferait pas de tort. Le seul cimetière de pirates au monde est situé sur l'île Sainte-Marie, une île sur la côte du Madagascar. Sur le bord, en tout cas, bref, du Madagascar. On dit que c'est le dernier endroit où vont des pirates célèbres comme William Kidd et Thomas Too. Donc, on voit les photos sur assemblagerequis.com de ces pierres tombales-là avec le classique crâne avec des os là, en croisée. Comme les pirates sur leur drapeau. C'est des pirates qui sont enterrés là. Eh ben. Le pain. Parlons de pain. Le pain qui devient plus sucré plus tu le manges parce que ta salive commence à défaire les ingrédients et ça commence à faire du sucre. Le starch, c'est du... comment on appelle ça déjà? C'est un mot que j'ai souvent la misère à trouver. Je vais me faire un petit tas de mémoire avec ça. Starch, qui est de l'amidon. Voilà, oui. Donc ta salive défait l'amidon du pain et le transforme en sucre. C'est pour ça que le pain est plus sucré plus tu le gardes dans ta bouche. Moi, j'ai jamais remarqué ça. Ben, j'ai rarement têté mon pain. Moi aussi, en fait. Je suis pas un prisonnier dans le temps avec un verre d'eau et du pain. Merci pour le support auditif. Ça fait plaisir. C'est la même chose pour le riz et les patates qui sont surtout composées de l'amidon. L'amidon qui est une molécule que les plantes fabriquent pour emmagasiner le sucre. Donc c'est des longues chaînes de glucose. Ta salive a une enzyme qui s'appelle l'amylase. Le reste des détails, je les comprends pas trop, fait que pas besoin de les dire. L'amidon lui-même ne goûte pas sucré, mais la glucose et la maltose, oui. Donc quand tu mâches le pain, ça va faire une combinaison sucrée. Ensuite, tous les drapeaux américains qui ont été placés sur la Lune sont rendus blancs maintenant à cause de la radiation du soleil. C'est plus des drapeaux américains, c'est des drapeaux blancs. Je me rends. je me rends. Se noyer dans de l'eau salée, c'est très différent de se noyer dans de l'eau fraîche, normale. Ça prend plus de temps et l'eau salée va faire sortir le sang de ton, de tes veines et va le faire entrer dans tes poumons. Donc, dans d'autres mots, tu vas te noyer dans ton propre sang, dans de l'eau salée, non pas dans de l'eau. Dans le fond, tu te noies par ton propre sang dans tes poumons. Bizarre. Un peu, oui, quand même. Est-ce que je l'ai fait celui-là? Non, on va y aller avec celui-là. Burger King! Non, attends un peu, c'est-tu dans la bonne catégorie? Je pense que j'ai mis des trucs de d'autres chroniques. Ouais, ça, j'ai mis des trucs de d'autres chroniques à la fin de celui-là. C'est tout pour cet effet! Yeah! Woo! Des fois, je fais des copier-coller à mauvaise place. Effectivement! Super! Les liens sont sur assemblagerequis.com. On se fait une autre chronique de cet effet la semaine prochaine. On a assez appris pour l'instant. On retourne en musique. On va l'entendre une autre pièce, cette fois-ci du palmarès francophone, qui est par Crab. Crab a une voix très, très distincte. Tu me diras si t'aimes ça après. D'accord. Voici donc Crab avec Déjà bientôt la lumière à Salle d'Avoki. C'était Crab et Déjà bientôt la lumière. Au retour de la pause, déjà bientôt le moment de dépenser. Hein? Oh, mon Dieu, oh, ça mon fait Dieu. Mal avec vos portefeuilles, je trouve. Anne a vu quelques-uns, je pense qu'elle est déjà intéressée par une coupe. Genre le premier. Au retour, ça existe ou ça ne devrait pas. On l'a resté là. À son âge, qui? Et toi aujourd'hui? À son âge, qui? C'est le 89. C'est fou. C'est fou. gentil pour toi aujourd'hui. Qui pour la semaine du 8 août 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Taïa Baudin a congé aujourd'hui à cause d'une problème de bonne de voix. Elle a animé au Grand Prix en fin de semaine, puis elle s'est pas mal fait mal à la gorge, je pense. Je pense bien que oui. Une petite grenouille poilue dans la gorge. Oh, what? Oui. Tu t'en rappelles maintenant? Hein? Oui, t'en oui. Rappelles? Tu ne l'as pas t'en rappeler. Hein? Non. On s'ennuie d'elle. On a hâte d'y manger les pâtes. La semaine prochaine, elle va être de retour. Pour la remplacer, tant mieux que mal, c'est Lintan qui est là avec moi. Tant mieux que mal, effectivement. Tant mieux que mal! Quel jeu de mots! C'est un pas que ça s'en venait, on l'a même pas prévu ça là. Non, avec lui là. Bref, voilà, vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission estivale en pièces détachées. Et maintenant, comme on le fait en deuxième heure depuis le début de l'été, c'est le moment de s'acheter des choses qu'on ne devrait pas, des choses qu'on mérite même pas. On n'a rien fait pour mériter ça. C'est, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ton portefeuille est plus gros ou plus petit que mon coffre à crayons qui a comme 52 crayons dedans. Ben c'est parce que c'est non seulement un portefeuille, mais c'est aussi mon sac à main. Ah, c'est comme une petite sacoche ou un gros portefeuille. Ouais, c'est ça, exactement. C'est hybride. Oui. Bref. Oui. Justement, tiens, peut-être pourrais-tu sortir ta carte de crédit de ton portefeuille barre oblique sacoche pour commander des produits dans cette chronique-ci de gadgets inutiles? Peut-être. Et sur le bord, hein? Et sur le bord de la carte, hein? Et pas caché loin, là. Et tout le temps prête à sortir plus vite que son nom. Il est difficile à sortir parce qu'il veut pas sortir. Mais il y a PayPal dedans, fait que tu peux sûrement passer le portefeuille directement. Ben, je sais pas à quel point ça fonctionnerait. Je me le demande, vraiment. Tu l'essaieras pour ce produit-là, qui est un petit rack pour ta... Tu sais, quand tu fais ta vaisselle, t'as tout un petit... une petite mousse, genre, de, comment t'appelles ça, une éponge à vaisselle avec un côté rugueux, bon. Mais là, tu mets ça sur le bord de l'évier, c'est un peu laid, c'est pas le fun, tu sais. Donc, t'as besoin d'un petit rack, mais pas n'importe quel rack, un rack qui fait que ta petite mousse ressemble à un lit. C'est tellement hot, là. Ça coûte 15$, ça s'appelle le Clean Dreams. C'est un kitchen sponge holder, qu'on appelle. Créé par une firme de design de Tel Aviv, Wishlist, c'est disponible en précommande chez Ototo Design. C'est comme un petit plastique avec des oreillers intégrés. Donc, dans le fond, les oreillers sont par-dessus ce que tu vas faire comme matelas. Et tu viens insérer l'éponge entre l'oreiller et le lit. Et ça donne un lit avec une doudou verte. Ah, mais c'est trop hot, j'en veux vraiment un. C'est pas cher, le 15$, non. Quand tu penses pas. Américain, plus shipping, plus les douanes, mais quand même. T'sais. C'est un détail. C'est un détail, 50$, on arrondit. C'est un détail. Faut pas s'en faire jouer des fleurs, c'est rapidement. un homme a réussi à construire un bâton qui se balance lui-même sur sa pointe. C'est donc un self-balancing stick. Une démonstration en vidéo de Mike Rouleau et son self-balancing stick. C'est un bâton qui peut tenir debout grâce à des moteurs dual axis qui vont faire des ajustements tout le temps en conséquence pour le garder debout. C'est un peu comme quand tu prends un balai ou peu importe que tu tiens une... qu'est-ce que tu peux prendre? Des baguettes, peu importe. Et tu le tiens dans tes mains pour que ça tienne droit. Ouais. Il faut tant que ta main compense pour l'angle. Oui. Et bien lui, les moteurs dual axis compensent pour ces mouvements-là en faisant tenir le bâton tout le temps droit. Hein? Mais à quoi ça sert? Bonne question, hein? je sais pas. Puis ça coûte combien? Ah ben ça par contre, c'est ça l'affaire, c'est que vous allez devoir vous le faire vous-même parce qu'on peut pas l'acheter. Ok. Les éléments en tant que tels coûtent très très cher et la petite vidéo vous montre comment ça fonctionne. Peut-être à quoi ça pourrait servir. Peut-être pour, je sais pas, peut-être faire tenir une fleur sur le dessus. Là. C'est presque fancy. Quelque chose, oui. Ben, quelque chose. Tu arrives chez vous puis là ton chum m'a laissé une fleur accrochée à ça sur le milieu du plancher puis là tu sais, allô fleur! T'sais. Ouais mais tant qu'à ça, tu sais, je veux dire, achète un bouquet... Puis mets-le sur la table de la salle à manger ou je sais pas, puis quand je vais arriver, je vais le voir, tu sais. Message 89.1 FM, est-ce qu'il écoute ton chum? Ben, il est en auto, je sais pas s'il écoute. En tout cas, il a encore le temps. Il a encore le temps. Ensuite, on passe à la Rip Chair, qui est un véhicule tout-terrain, mais qui est en fait une chaise roulante tout-terrain. La Rip Chair 3.0, donc un véhicule tout-terrain à 27 chevaux moteurs, développé par How and How de... Bon, je les connais pas. How. ça peut être personnalisé pour n'importe quel type de chaise roulante électrique ou manuelle. Donc, les gens avec qui peuvent quand même... peuvent pas, en fait, utiliser leurs jambes, peuvent quand même aller à la pêche, à la chasse, peu importe, trouver des écureuils comme la souffleteuse aux oreilles des écureuils de tantôt. La souffleteuse? Celle qui chuchote okay. à l'oreille des écureuils dans la chronique citron. Bref, c'est fait sur commande, donc j'imagine que ça doit coûter super cher. Et boy, oui. Ripchair 3.0. Ensuite, quand tu vas en voyage, il faut tant que tu passes au petit kiosque pour te faire vérifier que tu n'as pas une arme à feu ou de l'anthrax ou une bombe dans tes souliers, tu sais, non? Imagine si ta valise était elle-même transparente. Comment ça pourrait t'économiser du temps? Mais je trouve ça un peu malaise. Parce que les sous-vêtements, dildo et tout ça, ça ferait voir, hein, c'est ça? Ben, plus les sous-vêtements, là, tu sais, c'est un chum, il est en char. 570$ pour la vis-à-vis Trade Spirit Rolling Suitcase et des flocs va t'amener à la maison top. C'est donc une compagnie de sacs australienne. La compagnie, pas les sacs. Mais les sacs aussi. Qui s'appelle Crumpler. Donc, c'est une coquille de polycarbonate transparente qui mesure 46,5 cm par 68 par 25. Donc, parfait pour les gens qui veulent pas transporter trop d'affaires ou encore transporter seulement des affaires qui sont correctes à avoir par un public de jeunes enfants à l'aéroport. Bien sûr. 570$ et ça, c'est seulement pour une valise. C'est 570$ américains. Oui, plus taxes, plus douane. Plus le shipping, c'est ça. D'accord, fait que dans le fond, genre 700-800$. Environ, mais qui compte vraiment, ça? Ensuite, le prochain, c'est une tasse, mais pas une tasse normale, parce qu'une tasse normale, on s'entend, ouais, je sais, c'est plate. Imagine une tasse, tu pouvais insérer tes biscuits dans la tasse et que ton café ne soit pas à saveur de biscuits et que ton biscuit ne soit pas mou à cause du café. C'est deux compartiments dans la même tasse, d'accord? Donc, j'explique physiquement la tasse à l'air d'une tasse normale, avec sur le côté l'impression d'une face humaine. Unisexe, unigenre, peu importe. Et en dessous, la bouche, dans le fond, est dans la céramique de la tasse. Et tu peux mettre un beigne, le biscuit, des bonbons, peu importe. Et quelque chose qui pourrait même devenir chaud par l'association avec la céramique. Pour qu'après ça, quand tu as envie de manger ton biscuit, il est tout chaud. Ah, mais je capote, là. Imagine, tu mets du lait dans ta tasse, puis tu mets des Oreos dans la bouche de ta tasse. J'avoue qu'il aurait dû le montrer, c'est faux. Il n'y avait même pas cet exemple-là, c'est l'exemple parfait. Il y a deux grandeurs. Hein. La grandeur plus grande, c'est celle qu'on voit avec un peigne. Et l'autre plus petite, c'est celle que les biscuits. Donc, allez voir, si ça vous intéresse, ça s'achète sur Amazon. Bâtard, Amazon, c'est super facile en plus. Donc, ça coûte, comme je disais, une quinzaine de dollars. Ah, c'est pas super! Disponible seulement en noir, en blanc et... c'est tout, juste en noir et blanc, en fait. Je pense. Parce que l'autre, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de la tasse, à la place d'avoir le trou sur le bord, à la place, c'est que quand tu commences à boire ton café, l'intérieur de la tasse te fait un finger en céramique. C'est trois tasses différentes. C'est trop hot. Wow. Et l'autre, la noire, ça dit « Have a nice day », puis il y a aussi le finger dedans. Bref. Ensuite, hey, Lego, on aime ça, Lego? Oui. Lego, les gaufres Lego et les jouets Lego, tout ce qu'il y a Lego dedans. Mais imagine pouvoir faire genre semi des blocs Lego, mais grandeur nature comme un GN. Avec, ben oui, avec des boîtes de carton. C'est vraiment hot. C'est vraiment très très fun. Je ne crois pas que les boîtes s'imbriquent. Oui, les boîtes s'imbriquent les unes dans les autres avec des pinouches sur le dessus. Oui. Je l'avais pas vu sur les photos d'en dessous. Donc, c'est vraiment des boîtes de carton en blocs. Ben, c'est des blocs Lego en boîtes de carton. Plusieurs couleurs. Et puis on peut faire des maisons, on peut faire. Il y a un petit gazon. Ils ont mis comme leur propre petit gazon, j'imagine. Ils ont fait un arbre. Ils ont mis un tapis d'entrée, tout. Donc c'est comme une maison pour enfants. C'est vraiment le fun. Ça dit donc facilement empilé, disponible en plusieurs couleurs. Et c'est. Il y a des kits qu'on peut ajouter. Donc une fois que tu as commencé ta collection, tu peux ajouter d'autres kits moins nombreux qui peuvent venir s'ajouter à tes boîtes. Hey, c'est bien plus hot que les forts en oreiller, divan, puis en oreiller, puis plein d'affaires. Ou en éponge à vaisselle. Ouais. C'est sur le site Play-Doh.com, mais c'est comme un jeu de mots avec Play-Doh, comme la pâte à modeler, mais Play-Doh comme P-L-A-Y-E-D-O. Oups, il y a une petite musique en fond, pardonnez-moi. Donc, ils vont être sur... voyons, fait mute, bon. Ils vont être de retour sur Kickstarter au mois de septembre, donc vous pouvez vous inscrire pour avoir les détails. C'est très, très populaire en ce moment, donc allez voir ça sur Play-Doh.com. Ensuite, tiens, parlant de gigantesque, tout ce qui est grand, hein, on aime ça? Oui. Hein? Donc, c'est un gros jeu de Scrabble. Ça, c'est... Multiplier le plaisir de vos jeux de société, c'est une grosse planche de 39 par 39 pouces et qui est pliable, c'est en nylon. Il y a 100 morceaux, 100 tuiles gigantesques avec des lettres dans un petit sac compact. Donc, c'est idéal pour amener à peu près n'importe où. Ça coûte 60$ pour le gigantesque jeu de Scrabble. C'est vraiment hot, j'aime ça. Oui. Le sac, en plus, est super portatif. On dirait un petit genre de boîte à lunch, quelque chose de genre. Oui, ben, Oui, oui, effectivement, une boîte à lunch. D'ailleurs, dans les, sur l'article sur assemblagerequis.com, en bas, il y a d'autres jeux de Scrabble dans les articles reliés. Il y a même le plus gros jeu de Scrabble au monde qu'on peut installer sur le mur, si ça vous intéresse. Bon. Ensuite, l'été. S'il te plaît, Mathieu, n'achète jamais ça. Ils sautent par-dessus, pas-en même pas. Ceux qui, l'été, portent des sandales avec des bas, ça arrive. Oui. On a le droit d'en rire si vous avez le droit de les porter. Hein? Chacun se respecte là-dedans. Effectivement. Mais si à la place, vous voulez comme ne pas porter de sandales... En fait, attends un peu. Vous voulez porter des souliers. Non. Vous voulez vous promener en pied de bas, mais avoir l'air de vous promener en sandales. En fait, c'est juste des bas avec des sandales dessinées dessus, on va le dire de même. Ouais. Je sais pas dans quelle situation tu porterais ça. Mais littéralement, donc tes bas que tu portes, c'est des bas blancs, bien sûr. Hein? Et t'as la sangle du devant, la sangle autour de ton talon et de ta cheville. Et c'est pas mal ça. Le reste, c'est un bas blanc. Ben non, parce que t'as comme... T'as le dessous aussi, genre. T'as le dessous de dessiner sur le bas aussi. Mais c'est pas des sandales. Non. Mais si tu portais ça dans des sandales, tu verrais pas que t'as des bas. Et si tu portais ça dans des souliers, tu verrais pas qu'il y a des sandales. Fait que dans quelle situation tu porterais ça? Ben... Si tu décides là, que tu ne veux pas porter de sandales, là, que mettons. Tu t'en vas dehors avec des bas comme ça, les gens vont penser que tu portes des sandales. Et voilà, c'est disponible pour les gens qui portent des X, des XX et des... Attends un peu, ça dit Fit Show Shoe... OK, je pense que c'est un article comme genre asiatique, OK? Ça dit Fit Show Size au lieu de Fit Shoe Size. Et à la place de mettre les grandeurs de 1 à 12, ils ont mis XX à XX, genre remplir plus tard. Ça a été comme traduit à Butch. Mais c'est deux bas blancs pour... 10$. Oui, pour 10$. Ce qui est drôle, c'est que dans la petite description, là, il est écrit Washable socks come with a sexy brown leather sandal design. C'est vrai qu'une sandale brune, c'est particulièrement sexy. Il y a le dessous qui est antidérapant, hein, d'ailleurs. Pour vrai? Ah, ben oui, un non-slip hole. Sur un plancher glissant. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. Et comme dit l'article, protégez votre virginité en gardant vos pieds bien au chaud. Ensuite. Quand même cool celui-là, tu sais, faire du café, c'est le fun. On parle souvent de cafetière spéciale pour se faire des shooters d'espresso, faire du café dans la voiture, peu importe. Ici, c'est pour faire ton propre cidre. Wow! Donc, c'est un appareil qui va sur le comptoir, qui simplifie le processus avec une application pour choisir la recette. Ensuite, ça te demande d'ajouter des ingrédients comme les fruits, du sucre, de l'eau. Et ensuite, tu ajoutes un paquet de levure et ça va changer ta machine en un cider maker. Donc, Alchema, c'est le nom de l'appareil, ça s'occupe de tout le reste. Ça crée les conditions correctes pour la fermentation. Ça surveille la pression de l'air, le contenu d'alcool et le poids du contenu alors que le temps passe. Ta batch de 0,6 gallons. Aussitôt qu'elle est prête, tu reçois une notification par l'application. Et il y a une lumière LED UVC qui va sanitiser, laver, rendre propre le contenant avant votre prochaine utilisation pour faire du... Ça peut faire du vin aussi. C'est vraiment bien pensé. Wow! Le premier, donc, le mead. C'est quoi du mead? Je connais pas ça. À la fin de l'article, dernière phrase. If you're in the mood for mead or wine. On va aller voir ce que c'est du mead. J'ai jamais entendu ce mot-là, à part pour le nom de famille de quelqu'un. Mead, c'est de l'hydromel, non? C'est pas du pré non plus. Mead est d'une communauté qui n'en vraiment pas. Mead, on va dire mead alcool, voir que ça donne. De l'hydromel. Apparemment, c'est de l'hydromel. On va aller voir l'article. Est exclusivement une boisson fermentée faite d'eau et de miel. De l'eau et du miel, de l'hydromel. La fermentation peut être produite par des levures androgènes présentes dans le miel ou exogènes qu'on ajoute. Eh ben, Colin, de l'hydromel, j'apprends quelque chose, on dirait que c'est un fait. Oui, effectivement. Donc, tu peux faire de l'hydromel ou du vin. Le premier en une semaine et le deuxième en au moins 16 semaines, pour faire du vin. OK, quand même. Mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment intelligent. Du cidre, imagine comment ça va être bon. C'est bien pensé. Du cidre maison. Oui, 360$ sur Kickstarter. Pas si bête, quand et plus, même. Oui. Ensuite, tu sais, quand tu prévois avoir un enfant, disons, ça peut arriver, et tu dois révéler le sexe de ton enfant, tu veux faire le gros party, t'invites tout le monde pour révéler, tu sais, ça existe de nos jours, le gender reveal party. Ouais. Comme si l'enfant devait absolument vivre dans le genre qu'on lui offre à la naissance. Oui. Donc, tu veux faire le plus gros party avec des balles de baseball, tu es un fanatique des aigles, tu sais. De baseball? De baseball, comme j'appelle. Donc, c'est des balles de bisbilles avec à l'intérieur de la poudre, soit rose ou bleue pour fitter dans les gens stéréotypés. Et quand tu frappes la balle à chaque-clac, ça va faire exploser la balle et ça va faire une pluie de petites poussières roses ou bleues. Mais c'est pas un peu dangereux, là. Si, mettons que ça décide. C'est pas de l'anthrax, là. C'est, tu sais, si ça décide que ça l'ouvre pas, là, pis que genre, tu sais. tu tues quelqu'un, la future mère, pis là, tu tues ton enfant, fait que là, t'as plus besoin de la balle de baseball, fait que le problème est réglé. Hein? Exact. C'est ça. 35$. Ben voilà. Pour une balle. Ouais, pour une balle. Oui. Donc, rose ou bleu. Voilà. Après un bon swing. Et on voit que l'effet est quand même cool sur les photos. Ben oui, mais justement, là, si ça décide que ça l'ouvre pas, le petit frappe aussi pas. Oui. Bang, not. J'avoue. À place, non, mais à place, là, prenez une piñata, hein? Ah oui. Ça, c'est cool, tu frappes dedans, puis, tu sais, la poudre sort. Effectivement. Faites-la vous-même, achetez votre propre poudre, hein? Trouvez votre dealer local. Parlant de couleurs, on aime le livre à colorier depuis quelques mois, années, c'est très populaire. Les gens deviennent plus zen en faisant du coloriage. Oui. Et bien maintenant, tu peux l'avoir en tapisserie. Color in wallpaper, ajoutez un petit peu de couleur dans votre pièce, votre chambre et montrez vos talents artistiques sur un papier peint qu'on doit colorier soi-même. C'est disponible dans une douzaine de designs qui vont transformer votre mur en un livre à colorier parfait pour les chambres pour enfants. $32.83 américains. C'est quand même... J'aime ça les petits... Ah, oh, wow! Les fruits, c'est cute. Il y a des ananas, des oranges, des bananes. J'aime les fleurs, là. Oui, il y a des monstres. C'est vintage. Aussi, vraiment le fun. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour vous acheter ça. Ensuite, on parle toujours de couleurs. C'est comme si j'avais prévu de les mettre ensemble. C'est le Cranzy Pen qui scanne n'importe quelle couleur et ensuite va pouvoir écrire en cette couleur-là. Donc, disons, tu as une orange, tu veux absolument cette teinte d'orange-là. Tu vas mettre ton crayon sur l'objet. Tu vas choisir la couleur dans l'application qui va matcher avec. Et tu vas écrire avec le crayon en cette couleur-là. Il y a plus de 16 millions de couleurs au choix. C'est cool, hein? C'est cool, mais pour 139$, je suis comme pas sûr. Ah, mais ça, c'est seulement pour ceux qui achètent tout de suite. Parce oui. que si tu l'achètes plus tard, ça va être 219$. Ouais. Pour un crayon. Donc, le mécanisme va mélanger à l'intérieur du crayon pour produire une de 16 millions de couleurs. C'est une encre spéciale avec un mécanisme pour brasser. Tu peux mettre le crayon en paire avec ton téléphone et choisir une couleur parmi les 16 millions sur l'application. Ou sinon, il y a un scanner, comme je disais, tu le pointes sur l'objet. Ça, c'est la couleur, est écrit instantanément. Ça vient avec 5 bouts interchangeables pour écrire et dessiner de différentes façons. Donc, un crayon plus large, plus mince, différentes largeurs de lignes. Et tout ça va dans un étui spécial qui est aussi un chargeur. Maintenant, paierais-tu 139$? Non. Non. si ça fonctionne, ça reste une bonne idée, peut-être pour les artistes du dessin pas numérique. Bref, c'est vraiment cher. Et ça, c'est en passant seulement s'ils se rendent à leur but sur Indiegogo. On va aller voir s'ils se sont rendus. Et boy que non! Vraiment pas, mais il reste encore un petit peu de temps. Il reste encore 2 mois. Ils sont rendus à 36 000 sur 200 000 $. 18% de leur but est atteint. Ouais. Ce qui est pas beaucoup quand tu tentes. Non, et ça veut pas dire qu'ils ont vraiment... Le produit est vraiment fait. Peut-être que c'est juste un concept. On sait pas encore s'ils ont réussi à en produire un. Faut aller voir l'article sur le Indiegogo pour le savoir, j'imagine, mais bon. Ensuite... est-ce que ça te manque des fois quand tu vas dans une autre région du monde, tu voyages, peu importe, tu t'ennuies de ton bon vieux Trois-Rivières? Oui. Ça te manque en Trois-Rivières? Pâte oui. Ben, okay, l'odeur de pâte et papier, peut-être pas, là. Okay. Mais Trois-Rivières en tant que tel, oui, d'accord. Ça me manque quand que je vais dans d'autres régions. Donc, peut-être pourrais-tu, si c'était le cas, peut-être si ça fonctionnait assez, si ça avait assez de succès, peut-être qu'en créer une pour Trois-Rivières. C'est des homesick candles, c'est des chandelles qui sont faites pour vous rappeler l'odeur de différents endroits comme la Californie, l'Ohio ou New York. Ouais, mais c'est parce que justement, là, si on devait en créer pour Trois-Rivières. Mais peut-être que Trois-Rivières sent pareil comme le nord de la Californie, on sait pas. Ça me ben non, je pense beaucoup. Pas. C'est sûr que ça serait une chandelle qui sentrait les pâtés papiers. Qui sentrait. Oui. Oui. Donc, il y a 27 odeurs, parfums, senteurs différentes. avec certains états qui sont séparés en deux, comme le nord et le sud de la Californie. On essaie de couvrir les 50 états américains. Présentement, il y a Floride qui sent un petit peu comme les oranges, la brume de la mer et un petit peu le bois. C'est le Texas qui sent le cuir, le coton frais et un petit peu de sage, une herbe, je pense. T'as le nord de la Californie qui sent la poire et le bois. Ah, ça doit être fun. Ouais. Et New York qui sent un petit peu la pomme et la citrouille, toi. Sûrement à cause de tous les Starbucks avec leur pumpkin spice latte à l'automne. Oui. Ouais. Chacun est fait de cire de soya naturelle, fabriqué aux États-Unis et ça brûle pendant entre 60 et 80 heures. Parfait pour toute la nostalgie que tu peux vouloir pour 30$ sur homesickcandles.com. C'est vraiment pas super que ça, je trouve. Tu sais, quand tu penses que c'est fait de soya, justement. Ouais. C'est à la main, en plus. Oui, c'est ça, et à la main. Très bien. Ensuite, Tiens, on a parlé de couleurs tantôt, on y revient. Avec un kit pour faire vous-même vos propres tie-dye. Tu te rappelles, dans les années 90, tout le monde portait du tie-dye? Oui, je trouve ça vraiment hot. Est-ce qu'il y avait un nom en français pour ça? Non, sûrement pas. Non, je pense que c'est le même nom. C'est une chandail, genre, il était blanc et des taches de couleur fluo dessus, là. Bon. Oui. Tout le monde portait ça dans le temps. Si vous écoutez Prison, ça, de temps en temps. Bref, c'est un kit pour faire vous-même votre propre tie-dye en une seule étape. Donc, créez votre propre vêtement hippie chic. Ça vient avec 18 bouteilles Easy Squeeze, facile à squeezer. Un kit de couleurs classiques, vous avez juste à ajouter de l'eau pour créer vos chandails vous-même. 26$ pour l'ensemble. C'est vraiment pas si cher. J'aime ça. On voit les gens se tacher les doigts. Oui. J'imagine que ça imbibe le tissu et après ça, tu peux te laver les mains. Quand même. Parce que le tie-dye, c'était pas fait dans la laveuse à l'époque. Dans la laveuse? Non, ça a toujours été fait de cette façon-là. J'en suis pas mal convaincue. Je savais pas. Mais il y a différentes techniques pour faire différents patterns aussi. Oui. Là, donc, allez voir. Là, c'est quand même assez bien expliqué. Les photos sont là pour en témoigner aussi. Et j'imagine que ça vient avec des instructions. Le kit qui s'appelle, sur Amazon, le Tulip One Step 18 Color Tie-Dye Kit. Tu l'as en 18 couleurs. Tu as le kit bundle, le party kit et le super big kit. Différentes grandeurs de kit. Ensuite, est-ce que tu es fanatique de l'origami? Est-ce que tu sais faire de l'origami? Ben, je sais faire une cocotte. Oui, une pomme, je pense aussi. Une orange. Oui, non, on veut aller plus loin que ça. En fait, pas tellement plus loin que ça. Parce que c'est un kit. En fait, pas un kit. Ça s'appelle le Shitty Origami. C'est fait pour améliorer votre décor avec un petit peu d'art fait à la main, mais qui est fait pour être vraiment laid. C'est fait pour tenir une porte. C'est fait pour tenir du papier. Hein? Donc, 85$, Shitty Origami. C'est cher quand tu y penses. Oui, c'est shitty et cher. Oui. Terrible Origami, c'est le nom de la boutique sur Etsy. Et en fait, la personne qui fait cette boutique-là, dans le Minnesota aux États-Unis, a fait... les exemples sont vraiment bons. T'as grenouille $1,000,000. T'as terrible paquet d'emballage de DVD. T'as terrible sac brun. Et t'as terrible emballage de chocolat. Hey, c'est fou, là! Il a mis de l'effort. Oui. Il a pris du papier spécifique pour chaque affaire. Ensuite, ouais, c'est fait à la main, 85$. Ensuite, on a parlé la semaine passée avec Tania de faire flotter ses verres d'alcool dans les airs. On trouvait que ce serait vraiment cool comme un party. Tu bois ton verre est dans les airs à cause des mains dans le verre puis dans le socle, tu sais. Ici, c'est un peu la même chose, mais pour faire charger ton téléphone cellulaire. Défiez la gravité quotidiennement en chargeant votre cellulaire avec une base sans fil. Hein? Avec une base donc en bois qui utilise une combinaison de chargement par induction. Donc, ça fonctionne pas pour les iPhones malgré la photo. La photo a sûrement un truc par-dessus l'iPhone parce que l'iPhone ne fait pas d'induction lui-même. Il y a des téléphones Android qui en font des fois, mais bref. Donc, ça fonctionne par induction et par lévitation magnétique pour faire flotter votre téléphone et le faire même tourner sur lui-même. Ben, pas en culbute, là, mais en tournant. Oui, en j'avais compris. Pour $158.63. Je sais pas si je paierais ce prix-là, mais je trouve l'idée en soi, je la trouve intéressante. Et le bois est très charmant aussi. Oui. C'est vraiment du beau bois. Oui. Je sais pas quelle sorte que c'est, mais c'est beau. Donc, le téléphone tourne à l'horizontale. Allez voir la petite vidéo de démonstration. Ça s'appelle le Overcharge ou Overrecharge ou OVR Charge. Les lettres OVR puis charge après. Je sais pas comment ils veulent qu'on le prononce. Parce que Overcharge, ça veut dire comme si tu allais le surcharger ou encore comme si tu allais fourrer le monde en leur overchargeant. Overchargeant. En tout cas, maintenant, des vêtements qui sont faits pour passer 2 semaines sans être lavés. Eh oh. Ouais. On dit, tu disais tantôt que tu voyageais, que tu t'ennuyais de Trois-Rivières. Voilà. Donc, des fois, tu pourrais vouloir porter tes mêmes pantalons ou mêmes vêtements pendant plusieurs jours sans que ça pue. Mais hein? C'est dégueulasse. Ouais, mais attends un peu, là. Attends un peu. Pour pas avoir à chercher une buanderie, un lavomat ou peu importe comment t'appelles ça. Okay. Donc sur Indiegogo, on a Unbound Apparel qui a créé des vêtements qui peuvent rester sans odeur pendant jusqu'à 2 semaines. Donc Unbound Apparel offre des vêtements pour hommes. Évidemment, les femmes peuvent les porter aussi, mais c'est typiquement masculin, maman. Ça inclut donc un t-shirt, des petites bobettes et des bas. C'est fait d'une laine de mérino. On entend souvent parler de laine de mérino dans la chronique plein air à Assemblage Requis. Donc c'est résistant aux odeurs, antibactérien. Et dans la petite vidéo, on dit donc Unbound Apparel, le fondateur Dan Demski nous dit qu'il a porté le même chandail pendant 46 jours de suite, les mêmes bas et les mêmes sous-vêtements, et tout sent toujours aussi bon, et tout était toujours aussi propre. Il dit qu'elle avait ça, ok. Il dit qu'elle avait son chandail 0 fois, les bas 1 fois et les sous-vêtements 2 fois, ok. Quand même. Mais c'est quand même dégueu. Oui, absolument. Et tu sais, je voudrais pas, tu sais, passer trop de temps avec cette personne. Non plus. Handball Apparel en précommande sur Indiegogo. On a déjà surpassé le but financier. Ça commence à 50$ pour un t-shirt. Les commandes devraient être envoyées en septembre. Et c'est ça. Comme Handball Apparel nous le dit, les vêtements n'ont pas besoin d'être nettoyés, mais vous, oui. Vous avez besoin d'être nettoyé, on se comprend. Non. Oui. Est-ce que t'es sérieux? Fallait le préciser. Ensuite, des étudiants ont inventé un appareil qui pourrait sauver votre vie sur un champ de bataille dans l'armée. C'est un groupe de l'université Johns Hopkins, donc des undergraduates de la Johns Hopkins University, qui ont peut-être révolutionné une procédure médicale d'urgence de 200 ans. Le Quick Spike est un appareil qui est fait pour faciliter la cricothyrotomie. On dirait, moi, quand je parlais de c'est quoi le mot que j'ai utilisé tantôt, que je prononçais mal? Je sais plus. On dirait, moi, tantôt, cricothyrotomie. Une procédure où on crée, dans le fond, un trou pour faire sortir l'air dans le cou quand quelqu'un... S'étouffe. Ouais. Donc, à l'occasion, on voit ça dans des films. On fait ça des fois dans les films avec un crayon, un stylo. Mais en fait, une cricothyrotomie, c'est pas mal plus compliqué que ça. Il faut quelqu'un de bien entraîné, un professionnel pour faire ça, avec le bon équipement, sinon ça peut être, j'imagine, mortel. Donc le Quick Spike est un peu comme un EpiPen pour les voies respiratoires bloquées. Donc ça fait que la manipulation compliquée est beaucoup plus simple, surtout dans les états de stress. C'est juste la bonne longueur pour faire une bonne incision dans le windpipe, je sais pas comment on appelle ça, le windpipe, le truc où l'air passe, et pour ne pas passer à travers l'œsophage. Je connais pas la médecine du tout, du tout. Moi non plus, je suis pas très très bonne là-dedans. Mais bref, en termes de champ de bataille, dans l'armée, les médecins, des fois, vont être trop stressés, ils vont pas le faire au bon endroit, ils vont le faire dans le windpipe lui-même, ce qui crée une incision qui va percer la peau, va aller trop loin, va percer l'œsophage. Bref, c'est super compliqué. Et récemment, les conflits américains en Afghanistan et en Irak, on estime qu'entre 10 et 15% des morts qui auraient pu être prévenus sur le champ de bataille étaient à cause de l'incapacité de respirer du soldat. Donc, le bout du Quick Spike est fait pour s'assurer d'être exactement au bon endroit, avec un trou de la bonne grandeur, etc., etc. Ça pourrait sauver des vies. Voilà. C'est dit. C'est bien pensé, quand même. Ouais. Ensuite, une oreiller. Tu sais, magasiner un oreiller, je sais pas si tu trouves ça aussi compliqué que moi. Oui. C'est compliqué parce que des fois, bon, dépendant de la position de sommeil, côté, le dos, le ventre, les oreillers sont tout le temps trop plats, s'aplatissent trop rapidement, vont prendre de l'odeur trop rapidement. Je trouve que c'est difficile, il faut investir dans un bon oreiller, parce qu'un oreiller, tu passes quoi, le tiers de ta vie là-dessus? Oui. Comme ton matelas, comme tout ce qui est pour le sommeil. Oui, effectivement. Ouais. Ici, jetez ça par-dessus bord, on a un oreiller qui joue de la musique. Hein? Oui. C'est un oreiller, intelligent. C'est masculin, un oreiller. Hein? Oui, c'est un masculin. Un oreiller masculin qui stream de la musique et qui va vous dire comment vous avez dormi. Hein? Donc, une des premières étapes pour mieux dormir, c'est en fait de connaître les détails de tes sleep patterns, ton habitude de sommeil. Et selon Mashable, la ZEEQ, ZEEQ, a des sensors intérieurs, un microphone, un haut-parleur, des moteurs de vibration, qui permettent donc d'enregistrer votre façon de dormir et vous aider à arrêter de ronfler. Et ça va vous réveiller exactement au bon moment, le matin, dans ta phase de sommeil la plus appropriée pour te réveiller. Bon. Donc, pendant que tu dors, le ZEEQ et l'application connectée vont envoyer de la musique par les haut-parleurs de l'oreiller pour pouvoir t'aider à t'endormir, le white noise, brown noise, ou peu importe la couleur de bruit. Et ensuite, il va connaître vos mouvements. Et il y a de la mousse mémoire qui va aussi écouter vos ronflements et qui va gentiment, doucement vibrer pour t'encourager à changer de position si t'es en train de ronfler. Quand même! C'est quand même cool! OK, puis c'est combien, cette bébelle-là? Bah voyons donc! Combien? Et toutes les questions, combien ça coûte, là? C'est ton cheap! On demande, en fait, sur Kickstarter, le montant total de 200 000$. On l'a atteint, on est rendu à 285 000. Et si vous voulez, l'oreiller, c'est 99$ ou plus sur Kickstarter. Ouais. Pas pire, hein? Pas cher. Hey, mon oreiller, là, que j'ai acheté, c'est le Kiro? Non. Physio? Non. Masso? Non. C'est quoi l'autre? L'ostéo? Non. L'autre. Voyons. Ergothérapeute? En tout cas, un thérapeute quelconque m'a vendu l'oreiller. L'ergo. Genre 200 pièces. Quand même. Ouais. Okay. 100 pièces américains plus shipping plus les douanes, c'est à peu près 200 pièces pareil. Ouais, effectivement. Bref, ça s'appelle la ZEEQ. ZEEQ. Les critiques ont l'air assez bonnes jusqu'à maintenant dans les médias. Ensuite. Voilà. On parlait de tissu sur un oreiller. Parlons maintenant de votre ligne pour faire sécher votre linge. Vous allez pouvoir changer votre ligne, comment tu appelles ça, la corde à linge, en instrument de musique avec ça, avec les music clips. C'est des clips que t'accroches après ton linge, ok, mais sont en forme de notes de musique. Ouais. Okay? Donc, c'est un emballage de deux avec des notes 1, 8 puis un. Comment on appelle ça? Un 2, 8, 2 huitièmes, 2, 1 huitième. Je pourrais pas te dire. C'est bon en médecine qu'en musique. Et ça dit que tu peux aussi t'acheter une petite gondole pour tenir tes notes de musique. Et ça glisse sur la corde. Ça fait pas de musique. Je me serais attendu à ce qu'au moins, quand tu les accroches après tes vêtements, que tu puisses appuyer sur un bouton puis ça fasse la toune que tu as mis sur la corde à linge. Ouais, moi aussi. Mais non. C'est ouais, push. C'est plat. Non, non. J'étais un peu déçu. Moi aussi. Tellement un décevant. Peu. Tellement décevant. Mais pas autant que ton chum qui ne nous écoute pas et qui n'aura pas amené une fleur chez vous. À ça. C'est bon. Ensuite, un blender qui s'appelle le Superb. Je pense que c'est un Superb. Superb. C'est un jeu de mots. Superb. Cook and Blend Blender, qui a aussi un élément chauffant dans le blender pour faire plusieurs choses. Mm. Ouais, donc ce blender qui peut faire la soupe. À vous. C'est ouais, mais vrai. N'importe quel blender peut. Mais chaude. Ah, ah, ah. Ouais, un okay. élément chauffant de 800 watts dans la base va changer vos ingrédients fraîchement mélangés en soupe. Vous pouvez varier la température pour avoir différents résultats. C'est pas limité seulement aux soupes. Bien sûr, on peut faire des sauces, on peut faire des vinaigrettes. On peut faire de la sauce pour les pâtes, de la bouffe pour bébé. On peut faire du lait de soya maison biologique, de la guacamole, de la sriracha. C'est programmable, différentes fonctions pour chauffer. Il y a aussi un mode auto-soupe qui va amener le contenu jusqu'à ce qu'il bouille et ensuite va réduire pour que tu puisses l'avoir exactement à la température parfaite. C'est intéressant quand même. Très le fun. T'as aussi quatre modes, étant donné que c'est quand même aussi un blender. T'as quatre modes programmables, donc chop, blend, purée ou liquefy. Donc chop, c'est genre trancher, blend, mélanger, purée, faire la purée, liquifier. Pas mal, non? Donc il y a aussi un mode intelligent pour faire des smoothies. Miam. Intéressant. 70$ seulement, waouh! Moins cher qu'un oreiller. Ben, t'es sûr 70$? D'accord. Oui, non. Non, oui. Hein? But it isn't. Attends un peu. Non, c'est pas ça. Non, attends un peu, relis ça. C'est un blender assez cool, tu t'attendrais à ce qu'il soit très cher, mais ce ne l'est pas à seulement 70$, tu vas le mettre. La phrase est drôlement construite. Ah, ok, ouais, non. It isn't expensive. Ouais. Ouais. Des leçons de grammaire aujourd'hui. Ensuite, on s'aide. Tiens, ça, c'est intriguant quand même. Tu sais, des fois, quand tu cognes sur la table, oui. T'aimerais ça que ça fasse quelque chose. Tu sais, mais ça fait jamais... Oh! Sauf peut-être faire... Sauf ça! Faire peut-être, ouais, débrancher la carte son. Wow! Je m'attendais Oups. Vraiment pas à ce que ça fasse ça. Oups! Mais c'est très drôle, par contre. OK, on va finir sur celui-là. Donc, c'est le Nokia Surface Control. Je pense qu'on pourra pas faire jouer de musique sur le Winamp tantôt. Donc, c'est un contrôle de surface. Ça s'appelle le Nokia Surface Control. C'est fait pour que vos mouvements intuitifs fassent quelque chose. Donc, tu connectes à ton réseau via Wi-Fi. Ça s'attache à n'importe quelle surface de la maison. Et ça change les surfaces en surface touch sensitive. Ça va détecter les gestes. Donc, tu peux taper sur la table pour allumer la télé. Ou double taper pour faire quelque chose, allumer les lumières. Trois tapes pour d'autres choses. Je sais pas si je retape. Ça va-tu revenir? Ça a pas l'air. Oh. Hey, bravo, là. On applaudit bien fort, monsieur. J'ai mal aux joues. Ses exploits. Wow, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Bref, c'est comme une lumière, mais plus puissante et plus pratique. C'est 80$ sur Kickstarter. Ooh. On prend une pause obligatoire. Oui. Et au retour, plus de ça existe. Restez là. Effectivement. Toujours avec Mathieu Plante, Tania Baudin a des problèmes de gorge cette semaine. On s'ennuie d'elle, mais pour la remplacer, j'ai quand même Lintania Baudin. Hey, comme tu sais là, l'émission avec Patrice Lécuyer. Oui. Soirée de divan de vedette. Divan de vedette, divan. Vedette, c'est divan. Je sais pas de quoi tu parles. Silence, on joue. Peut-être. Silence, on joue. Il y a un jeu où t'as comme le début, le nom d'une personne, puis le nom d'une autre personne, mais le milieu est comme commun entre les deux. Fait que le jeu, ce serait... Je pense que je fasse en plan de savoir de quoi ce serait Lynn Tan puis Tania Baudin. Les faces seraient comme mélangées ensemble. Fait que le nom de la personne serait Lynn Tania Baudin. Ce serait ça la réponse, puis t'aurais un point, ça. D'accord. Silence, on joue. Au retour, deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas là. Pendant ce temps, on écoute une pièce de Jay Arner. Voici Crystal Ball, l'assemblage requis sur ses fous. Crystal Ball à l'assemblage. Oui, toujours à cette émission où on fait à peu près n'importe quoi pendant 3 heures et tantôt on est en train d'acheter des choses et justement je te vois en train de ressortir ta carte parce que tu l'avais serrée pendant la pause. Tu sais? Oui. Puis là, vous l'avez ressortie pour acheter d'autres affaires. Donc ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Ça existe, ça ne devrait pas. On a la collecte des gadgets ridicules à acheter sur Internet. On commence par, tu sais, quand on se fait livrer les colis, comme mettons, tu te fais livrer les colis que t'as achetés dans la chronique, ça existe, ça devrait pas. Là, t'arrives, là, le gars, il lance ton paquet sur le bord de la porte, ou je sais pas trop quoi, il casse, ou bien l'autre fois, je sais pas, il cogne chez vous, ils font tout le temps ça. Ils cognent chez vous, mais comme vraiment pas fort, ils font comme moi, ok, j'attends pas, ils retournent dans leur truck, puis ils se retournent dans leur centre de distribution. Puis là, ben, t'as pas eu ton paquet parce que t'étais pas exactement devant la porte quand tu as cogné, ça. Bref. Il y a plein de problèmes avec la livraison de colis. Ici, c'est le Package Guard sur Kickstarter qui essaie en fait de vous protéger lors de la livraison de colis, par exemple du vol que quelqu'un pourrait faire. Donc le Package Guard, c'est un petit peu comme un frisbee que tu laisses près de ta porte. C'est comme un genre d'atterrissage d'hélicoptère pour ton paquet. Une fois que le paquet est mis sur le Package Guard, ça devient armé. Et ça te donne une notification instantanée qu'une livraison a été faite via courriel ou par message texte. Une fois que c'est armé, donc aussitôt que tu enlèves le paquet, ça active une alarme sonore et ça envoie l'alerte à ton téléphone cellulaire. Donc tu peux l'acheter pour 50$, le Package Guard. Ils ont ramassé leur argent sur Kickstarter le 8 avril dernier. Ça va être envoyé en septembre-octobre. C'est vraiment génial comme idée. Pourquoi? Oui, c'est une bonne idée, mais je comprends pas. Tu sais, je veux dire, s'il pleut, Est-ce qu'il va quand même fonctionner? C'est une mauvaise bonne question. Ça, je le mettrais peut-être en dessous d'un petit toilette. Ah, peut-être. Une toilette? Du barbecue? Je sais pas. J'imagine que de toute façon, si le gars met ton paquet dans le barbecue, met le packager sur le barbecue. Barbecue. C'est comme le mot de tantôt là, qu'on était pas capable de dire. Cré-cré. Je sais pas quoi, là. C'est bon. Ensuite, ne perdez plus jamais les choses entre vos sièges de voiture, entre le siège du passager et le siège du conducteur. Avec ce cossin-là, le drop-stop, simple quand même. Donc, c'est comme un genre de... Il appelle ça un car seat gap filler, donc c'est un remplissage de trous. Et quand il y a un trou, on sait qu'il faut le remplir. Tout le monde public ensemble, on va remplir. C'est fait en néoprène avec une petite slot pour faire passer vos boucles de ceinture et autres trucs comme ça. C'est spongieux et flexible, assez pour remplir l'espace en avant, autour, en arrière, peu importe de vos boucles de ceinture. Et étant donné que ça passe à travers votre ceinture, ça va glisser avec le siège. En même temps, c'est juste le siège. Donc, si c'est juste le siège pour avancer ou reculer, ça va aussi ajuster la slot. Tu comprends? Oui. Ça a passé dans l'émission de... tu sais, le requin de... Gueule du loup, du requin, du lion, du tigre, du... De comment? Dans l'œil du dragon. Dans l'œil du dragon. Merci, public en studio. L'œil du dragon, aux États-Unis, Shark Tank, donc l'antre du requin. L'aquarium du requin. Et au Canada, c'est Lion's Den, l'antre du lion. C'est sûr que je me mélange. Oh. Un animal différent pour l'endroit. Donc, ça a été vu sur Shark Tank. C'est disponible sur Amazon pour 20$. Vous allez recevoir deux drop stops. Un pour le côté à côté du conducteur et l'autre pour le côté du passager. Voilà. Ça, c'est le genre de choses que j'aurais vraiment besoin parce que j'échappe tout le temps mes clés entre. C'est pensé d'avoir une petite lumière parce que c'est en dessous du siège. C'est trop compliqué. Exactement. Allez chercher ça. Ouais, alors. Ensuite, le Matchbook, c'est comme une petite lampe de poche à la grosseur d'une petite allumette. Hein? Matchbook, donc avec 8 petites lumières, avec une lumière LED au bout, un bâton avec une lumière LED. La base est magnétique, donc on peut facilement l'attacher à une surface métallique. Ça peut durer jusqu'à 8 heures de temps et l'ensemble va vous donner donc 64 heures d'illumination, mais c'est tout, c'est pas rechargeable. C'est fait pour être utilisé en cas d'urgence, donc quand t'es en urgence, tu sors tes allumettes, schlick, allume, pendant 8 heures, c'est fini. Quand même. Emballage de 8 pour 32$, parfait pour la sacoche portefeuille. Ou comme dans le cas de Lintan, sacoche portefeuille hybride. C'est comme un entre-deux. Oui, caméra 3. Absolument. Pas super cher, quand même, 32$. Ensuite, tiens, ça là, pour ceux qui ont accumulé beaucoup de cartes micro SD dans leur vie, vous allez pouvoir en utiliser 10 pour faire un disque dur SATA SSD. Pour brancher dans votre ordinateur. C'est l'adaptateur de la compagnie Brando. Donc, pour ceux qui ont tout plein de cartes micro SD, tu sais, les petites cartes là, qui vont dans les appareils photo, t'en as 10, t'es mis dans les slots de la petite carte verte et ça se branche par SATA dans ton ordinateur. Donc, tu le plugs dans ton ordi, ça devient un gros disque dur. Mais tu sais, avec une mémoire flash, donc pas aussi facile à briser. Le reste des détails, c'est beaucoup trop de détails techniques, mais ça fonctionne sur à peu près tous les ordinateurs. Alors, vous avez le droit d'utiliser 1, 2, 4 ou 8 ou 10 cartes micro SD. Donc, pas 3, pas 5, pas 9. Donc, pas les chiffres impairs, comme on pourrait résumer? Sauf le 1. Ah! Oh! Mais techniquement, il est impair! Ben oui. Ben c'est ça, fait que j'ai raison. on reprend notre foot à se battre l'un l'autre. 1, 2, 4, 8 ou 10. Sinon, c'est différentes capacités de micro SD qui sont utilisables. Ça coûte 30$ sur Brando. Ensuite, on revient au café. Tu sais, les cafés dans les bars, dans les cafés, peu importe, étudiants, ici à Chasse-Garry, il y a peut-être des couvercles solo. T'as la marque solo. T'sais. Ici, à la place, c'est des Lolo qui vous permettent de mettre ce couvercle-là sur le breuvage de votre choix, que ce soit une canette de liqueur ou peu importe, sans attirer l'attention de personne parce que ça a juste l'air d'un couvercle normal. Donc, vous allez comme snapper votre canne, vous allez l'ouvrir, vous allez mettre le capuchon par-dessus. En fait, vous allez pouvoir même mettre la canette dans un verre de Starbucks, par exemple. J'imagine c'est pour pas te faire juger le matin quand tu prends une bière au lieu d'un café au bureau. C'est ça. Puis si tu le faisais avec une bière ou une canette de liqueur ou peu importe, si tu le faisais avec un couvercle normal, ça te giclerait partout. T'aurais eu l'air encore plus fou. Ouais. Oui. Fait que ça, c'est comme un couvercle qui est fait pour aller dans la canette. Tu comprends? Ergonomique, avec une respiration secondaire pour permettre au liquide de vraiment couler correctement. Et un casquette de silicone pour empêcher des gouttes de tomber. Et puis, ça va garder votre boisson au froid plus longtemps. En fait, vous n'avez pas besoin d'utiliser un verre de café. Le verre vient avec. Donc, ça vient avec le couvercle et le verre. Et vous pouvez mettre votre canette dedans. on se comprend. Tout ça pour 10$ sur Amazon ou chez Lolo Lids pour 11$. Lolo, trait d'union Lids. .myshopify.com. Ensuite, celui-là, je l'avoue, je le trouve cool. On a parlé de trucs similaires par le passé. On a déjà parlé de verre de vin qui était juste le dessus de la coupe de vin sans la tige, ouais. Et qui pouvait tenir sur le comptoir sans tomber. Ici, ça reste dans la... À la place, c'est vraiment la forme d'une coupe, mais le dessous de la coupe est lui-même avec un poids. Donc, même si tu touches à la coupe, elle ne tombera jamais. Ça, c'est cool, honnêtement. Vraiment cool. Ça s'appelle le Mighty Wine Glasses, avec la technologie Smart Grip, évidemment. La technologie Smart Grip. Faut tout le temps qu'il y ait une marque de commerce sur tout. Donc, ça colle à une table ou à n'importe quelle surface plane. Même lorsque poussé, ça tombera pas et ça va tout le temps relever, un petit peu comme un clown, là, dans le temps qu'on frappait ses clowns. Là. Puis après ça, tu t'achetais un jouet parce que tu voulais arrêter de frapper sur les clowns. Ouais. Hein? Mais de quoi tu parles? Je faisais un gag de je frappais des clowns, pour vrai, dans la vraie vie. Fait que j'ai comme manigancé la phrase pour qu'elle fitte avec. Ouais, c'est juste malaisant. Alors, ça dit que lorsque c'est relevé, lorsque la coupe est relevée, le vacuum lock va être relâché. Tu peux maintenant prendre ta coupe dans tes mains. Donc, dans le fond, la suction va arrêter quand le verre redevient droit. C'est juste quand il va sur les côtés que l'effet de ventouse est actif. C'est fait de tritane. Wow! Du tritane, 100 BPA. 100% transparent, crystal clear. Ça vaut la vaisselle, ça vaut le congélateur, ça vient en emballage de deux. Parce qu'il faut tout avoir quelqu'un avec qui boire. Ah oui, boire tout seul, c'est triste. C'est triste, c'est ça. Mais ça ne nous empêche pas de le faire. Hein? Ben c'est ça. Mais c'est triste. Ensuite, on a le leash pod. Parce que transporter le kikia de votre animal de compagnie, c'est plate. Hein? La pire chose, quand vous avez peut-être même vu passer sur Facebook récemment, le gars qui a passé des photos d'un gars parce qu'il n'avait pas ramassé son caca, ça fait le tour, c'est viral. Non, vous avez pas vu ça? Je sais pas du tout de quoi tu parles. Le gars, il n'a pas ramassé ses crottes. Fait que l'autre gars le prend en photo, puis il a écrit un texte de comme 6 paragraphes sur Facebook. Wow. Il a du temps à perdre. Bref, j'étais en train de dire que le leash pod en fait un crochet qui va le permettre de se connecter à n'importe quelle laisse. T'as un contenant avec... senteur plaisante qui va mettre votre caca, pas votre caca, mais le caca, en quarantaine. Deux pochettes sur les côtés pour mettre vos clés, vos petits bonbons pour chiens, de l'argent, téléphone, cellulaire, peu importe. Et quand vous avez trouvé une poubelle pour aller disposer de vos des besoins du chien, vous avez juste à ouvrir le mini côté et tout va sortir sans même avoir à toucher rien. Tu vas juste appuyer sur le truc et ça tombe tout seul. Deux grandeurs, petit à 35$, gros à 40$. Différents looks pour votre chien ou animal de compagnie. Autre, le projet Kickstarter. Elle va commencer à être envoyée, en fait, a déjà commencé à être envoyée. Vous pouvez aller voir la campagne Kickstarter du LeashPod ou le site web leashpodusa.com pour plus d'informations. Ça ressemble, je dirais, à une grosse lampe de poche à vide outil. C'est vrai. Avec une poignée sur le dessus. Et le bouton en avant est fait pour domper, si vous avez à domper. Et puis la petite pochette sur le côté ressemble, je dirais, à un sac banane cheap, mais collé sur une lampe de poche. C'est comme vraiment, ils ont comme collé plusieurs affaires ensemble, je trouve. Ça fait pas ensemble, tu sais. Je trouve. Mais bon. Et le devant, un sac qui ressort, je l'aurais peut-être mis pour pas qu'il sorte tout le temps. Ben, ils sont peut-être pas tout le temps, c'est peut-être juste pour montrer que c'est là que le sac va. Enfin, dans... ben, je me demande que si tu rentres dans le trou, bien profond. Ben, tu t'en rentres le doigt dans le trou. Tu t'en rentres le doigt dans le trou, tu le ressors, c'est tout. Voilà. Voilà, comme quand tu perds tes clés. Oui, parce que tout le monde perd ses clés ben, dans... chacun ses fantasmes. Ensuite, je trouve que c'est concierge. Bon, ils ont un gros trousseau de clés. Ensuite. Un trousseau de clés? Oui, trousseau de clés, c'est ça. On disait donc, le prochain est pour ceux qui aiment la marelle. Qui c'est qui aime ça? Je sais pas. C'est rare qu'on parle de gens qui aiment la marelle. Sortez de chez vous avec une marelle devant votre porte, votre porte, pour jouer à marelle quand vous sortez de chez vous. C'est cool. C'est un tapis littéralement avec une marelle. Tu le mets devant chez vous, pas à l'horizontale comme tu le ferais d'habitude, mais tu mets à la verticale. Donc, tu peux jouer à la marelle en sortant. Ah! Pour ceux qui sont vraiment obsessifs compulsifs, genre en plus que tu sais, ils doivent comme claquer la porte trois fois, tourner deux fois l'affaire, faire la marelle quatre fois. Ça va être tout fou raide. C'est vraiment long avant d'aller travailler. Surtout quand t'as ton café dans les mains. Oui. C'est bouillant. Quand t'as ton café ou quand... Ouais. Quand t'as du café, c'est ton. Ben, tu pourras en avoir si tu joues à Marelle. Ouais, merci de me dire quand je commence à avoir des sons. Hein, j'ai dit ça, moi. C'est moi qui ai dit ça. Ensuite... ensuite, tiens, un autre breuvage, un autre verre dans ce cas-ci. On a parlé d'une coupe de vin tantôt. C'est des verres, des tumblers, ce qu'on appelle, avec de l'uranium à l'intérieur. Oui, oui, des verres avec de l'uranium pour donner à votre boisson un petit kick de radioactivité. Mais c'est apparemment très sécuritaire. Laisse-moi en douter. Oui, ben la radiation est apparemment elle peut être négligée. Elle est à négliger. Donc, en fait, ça dit que cette vaisselle radioactive est très populaire en Europe depuis le 19e siècle. Il y a même eu... En Russie. C'est ça, exact. À Tchernobyl. Il y a même apparemment eu de la vaisselle radioactive aux États-Unis, qui était, elle, un petit peu moins sécuritaire. Mais bon. Donc, ces tumblers-là sont la création de designer tchécoslovaque Martin Jacobson, qui a eu une permission spéciale du Czechoslovakia's State Office for Nuclear Safety pour les produire, donc la sécurité nucléaire. Et, comme on le voit sur les photos, ça brille vert, comme tout ce qui est radioactif devrait faire. Et quand tu verses ton liquide dedans, ben, ça a l'air de... En fait, pourquoi dans la dernière image, est-ce que c'est tout le temps activé? On dirait que non. On dirait que non. Hein? $86 américains, présentement en rupture de stock. Ça va revenir cet automne. Si ça peut être livré puis que les douanes disent rien, vous êtes passé sécuritaire au Canada aussi? Ben, ça peut-être pas nécessaire. C'est louche. C'est bien louche, en effet. Et on va terminer avec celui-ci. Tiens, on parlait de s'mores dans la chronique tantôt. C'est un fait qu'on a parlé de s'mores. Hein? Mm-hmm. Je suis plus sûr. Bref. Je me demande ça alors que t'as une chip dans la bouche. Hein, pas très très sympathique de ma part. Hein. Bref, faites des s'mores de façon beaucoup plus facile avec maintenant. Et oui, ça brille ça aussi dans le noir. Un bâton à s'mores qui brille dans le noir. Vous êtes dans les bois, il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous avez juste vos petites allumettes, là, genre 8 heures chaque. Ça ne sert pas grand chose. Fait que donc, vous avez besoin de ce bâton-là. C'est un glow-in-the-dark telescoping s'mores stick qui va vous sauver les fesses. Facile à trouver. Un télescope, c'est télescopique. Ça peut aller jusqu'à 32 pouces. Tu peux pas regarder les étoiles, malheureusement, même si c'est télescopique. 32 pouces. Et c'est juste assez pour se rendre jusqu'au bois, à une longueur, jusqu'au bois, jusqu'au feu, à une longueur raisonnable. Et puis, c'est sur ThingGeek pour $14.99 pour un emballage de 2. Tu l'as en version qui est en forme de flèche ou en version en forme de fourchette. J'aime ça! Oui! C'est cool! 15$! Plus le shipping sur ThingGeek qui est vraiment cher. Fait quand même. Tu le prends en flèche ou en fourchette? Je le prends en fourchette. Bon, c'est parfait. Je vais prendre la flèche. Voilà. Tu vois, moi, je préfère quand même l'invention du début, là. Le petit repas aux éponges. Oui, c'est oui, tu vois, il y a une heure, on a parlé d'un petit rack à éponge. Tu sais, pour l'éponge, ça se fait à la vaisselle, mais c'est un lit. Fait que tu mets l'éponge dedans, ça fait comme si c'est une douillette. Oh! C'est allez voir tout ça. C'est celle que tu as retenue. Moi, qu'est-ce que j'ai retenu là-dedans? Celui que j'achèterais, personnellement, ce serait peut-être. Je sais pas. Le bâton qui tient seul dans les airs. Parce que je trouve ça cool pour que quelqu'un m'encourage au début de la chronique. Non, moi, je veux le truc qui fait la soupe puis tout seul. Là. Oui, la soupe, le blender à soupe. Mais voyons donc, ça fait tout seul. Change mon vote, c'est ça que je veux. Vous avez donc des choix. En fait, non, je préfère celui qui fait du vin puis soupe de pomme. Trop de choix. Steph, t'as manqué à moi aussi, mais c'est pas grave. Hein? Ouais, ben c'est ça. J'étais arrivé dans l'émission, dans ma tête. Là. Dans l'émission de Patrice. Ouais. Hein? Patrice Écuyer, dans le je sais pas, il a animé comme 45 000. À Radio-Can, il y avait l'émission de Patrice. Ça s'appelait comme ça? Ben oui. Ah, l'émission, mais c'est comme un jeu de mots avec l'émission. C'est là, t'as moi aussi. Ah, ça devait être bon. C'était bright. J'ai jamais vu ça. Ouais. C'était bon, j'ai jamais vu ça. C'est comme le contraire des radios commerciales. C'est genre, j'ai jamais entendu parler, ça doit être de la merde. Toi, c'est comme le contraire. J'ai jamais entendu parler, je suis sûr que c'est cool. T'es fait pour être assez fou, ça. C'est ça. Bref, on était rendu à prendre une petite pause musicale. Au retour. Lintan, t'es en train de gâcher ton appétit pour la chronique une grosse pointe en dresse. Non, un petit sac de chips, là, ça va pas gâcher mon appétit. Tu sais comment je suis un trou noir. C'est vrai que c'est surtout de l'air. Tu vas sûrement avoir le hot-cat après, je pense. Après avoir mangé autant d'air. Hein? Ben, on va peut-être juste manger les chips dans son sac. Ah. Voilà. Ah, c'est ça l'affaire. Mange pas l'air autour. Non, moi, je fais juste un mini-trou puis j'aspire le sac. C'est ça le problème. Ah, tu prends juste comme le vent qui goûte, là, un petit peu le vinaigre. Puis... Ouais. Bref, hey, on revient. Après une chanson, qu'est-ce que j'ai choisi? J'avais déjà fait jouer celle-là. J'ai fait jouer Crystal Ball, hein? Tantôt. Oui. Oui. J'ai envie d'entendre, tiens, on a parlé de plein de choses qui on a tiré le temps dans cette chronique-là. C'est ça? C'est ça que je voulais dire. Donc voici Rubber Skin avec Laura Sauvage. Faut tant que je fasse un lien, même si j'en trouve pas. C'est un problème que j'ai. Un toc qu'on appelle. Un toc. Et je joue à Malak en chant le film. Down. Laura Sauvage et Rubber Skin à Sauvage Rocky, c'est sur le palmarès anglophone. Au retour, on va passer la prochaine heure à manger sans cesse. On va s'empiffrer jusqu'à temps qu'on explose dans une... Boum! Oh! Oh! Quelqu'un d'autre a un effet sonore meilleur que ça? Ben écoute, elle a déjà explosé, fait qu'on va... Non, ouais. On n'aura pas besoin de partager. C'est ça. Parfait! Plus pour nous autres! Yeah! Vous êtes assez fous pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Bonjour à Assemblage Rocky pour la semaine du 8 août 2016. Tania Baudin n'est pas là aujourd'hui. Là, aujourd'hui, crème, il n'y a pas de reste là. Moi, c'est Mathieu Plante. Tania est malade, elle a un petit problème de gorge en ce moment. Elle est dans son bureau de chaque côté. Elle pourrait être là, mais voilà. Mais elle pourrait pas parler, c'est ça. C'est un peu. Donc, pour la remplacer, deux filles. Hein? Lintang depuis le début. Oui, oui. Lintang. Et Stéphanie Paradis qui vient d'arriver tantôt. Oui. Hey, imagine-tu, ça en prend deux pour la remplacer. Elle est irremplaçable. C'est ça. On va essayer. Est irremplaçable. Comme Stéphanie était irremplaçable, puis après pour la remplacer. C'était elle qui était là avant. C'était la place de Stéphanie. Je comprends. Ouais, c'est la roue chanceuse des co-animateurs à travers le temps, mais quand même. Bon, moi, c'est pas la roulette russe. Tu sens ça? Ah, chaque co-animateur ou co-animatrice est mort avant, c'est pour ça. On l'a pas dit, mais à la fin de chaque saison, on les abat. On jouait à roulette russe. Bon, ben, Tania, fais attention. Fais attention à tes fesses. J'ai survécu. Oui, c'est ça, une chance. À date, j'ai ressuscité. À part Kiwan qui était là pendant quelques mois après la fin de son règne, t'es quand même la seule qui est revenue animer fréquemment à l'émission. Ben, fréquemment. Et Seigneur. Fois, tu viens. Ça veut dire que les autres, pas pantoute. Ouais, c'est ça. Bref, peu importe. On a l'air de parler du passé, on parle du présent parce que là, c'est le moment de manger comme à chaque fin d'émission. Tout l'été, il nous reste encore quoi? Trois autres émissions à faire ça. Quelque chose du genre, vraiment pas beaucoup. Ça se finit très bientôt cette saison-là. Donc voici une grosse pointe. All dress. Une grosse pointe tendresse, c'est la chronique dans laquelle on mange ou boit quelque chose acheté en épicerie ou au dépanneur pendant que Lintan met un papier de Starburst dans un sac de chips. Je trouve ça drôle. Mais tu arrêter de dire tout ce que je fais? C'est un drôle de mélange. On dirait que t'es enceinte. Starburst puis chips, oui ou non? Mais j'ai mangé mon Starburst il y a 2 heures de ça. J'avoue que le temps passe très vite avec toi. Hein? Oui. C'était comme devenu un compliment. Quand... Voilà. Paradis. Oui. Qui est celle, en fait, aujourd'hui, on va se faire un petit tag team. Tu nous as amené plusieurs produits. Ouais. Et on va les goûter tout au long de la prochaine heure. Voilà, on se bourre la face, littéralement. Oui, littéralement, on va en avoir partout dans la face, comme un bébé. Ah, faut pas qu'on parle de bébé, parce que là, son bébé est à la garderie ou je sais pas trop quoi. Non, je suis une amie de confiance, là, quand même. Elle parle juste une heure pour la première fois de sa vie, genre, elle va être ailleurs que dans les bras de sa mère. Fait que si on en parle, ça va tout le temps lui rappeler ça. Fait que c'est pour ça qu'on le mentionne pas. Jamais. Faut pas en parler pendant... Non, surtout pas là. Pas au début de la chronique pendant 2 minutes, genre. Donc, on boit ou on mange aujourd'hui? Ben, les deux. Ah! Mais pas en même temps. Ah. Mais on pourrait, mais tantôt. Ah! Donc, le premier produit que j'ai apporté, eh bien, écoute, j'avais peur de l'amener parce que je me suis dit, ça se peut pas que Mathieu connaisse pas ça, mais il me semble qu'il m'en a pas parlé. C'était pas sur Facebook? Non, c'est ça. Fait que s'il était pas là, mais que tu y as goûté, c'est pas de ma faute, c'est ça. Exactement. Fait que, c'est la faute à Lintan. Ben voilà. Mais c'est quoi ton problème? Un bouc émissaire. Qu'est-ce que tu vas avoir chez vous? Tu reviens, ton chum va te mettre un bouc émissaire. C'est pas ça chez Fleury, ça, un bouc émissaire? Ouais. Mais en fait, c'est que mon copain, il va être à l'Asson. Ben, il était à l'Assomption en ce moment, là. Ah, à l'Asson, puis je pensais qu'il a commencé une phrase. Il va être à l'Asson, son bal. Ben, là, j'irais dire, ah, ben non, c'est pas tout le monde qui diminue leur mot comme moi. À l'Asson. Fait qu'à l'Asson. Wow. À l'Assomption. Eh ben, c'est. Voilà. Je viens d'apprendre ma leçon. Non. C'était pas drôle. C'était prévisible. Là. Mm-hmm. Sors l'autre produit. Donc, j'ai apporté.

À saveur de sel de mer et de bretzel. Donc, pas saveur de bretzel, il y a des bretzel dedans. Okay, donc, le caramel de Werther qui entoure des morceaux de popcorn et de bretzel. Hmm. Moi, je trouve ça a l'air très bon. Ça doit. T'as-tu à 10 minutes, là? Hein? Je vais essayer de te retrouver ça. C'est qui? Ben, je veux une photo, je sais pas. Ah, oui. C'est dans les photos sur les notes de l'émission. Ah, c'est ça, exactement. Attends. C'est le deuxième. Pendant que tu cherches ça, je vais conseiller des frites. Des frites chez Burger King. En fait, vous allez trouver peut-être ça bizarre, mais la boîte de frites chez Burger King est maintenant brillante pour une raison bizarre. Tu sais qu'en Australie, Burger King s'appelle Hungry Jack's parce qu'il y avait une marque qui possédait déjà le nom de Burger King là-bas. Donc, les Burger King s'appellent Hungry Jack's. Ils ont sorti une édition métallique, holographique, brillante, shiny, comme une boule disco de leurs frites pour une raison particulière. C'est pas... Une boule disco, c'est fait en fait pour éliminer les oiseaux. L'idée, c'est que leurs nouvelles frites épaisses sont tellement bonnes que ces oiseaux-là vont vouloir encore plus venir les chercher. Donc, pour les éliminer, on a mis ce papier-là qui les empêche, qui comme ça leur met de la lumière dans les yeux, puis ils viendront pas voler tes patates, tu comprends ça? C'est comme un genre d'idée de marketing pour éliminer les oiseaux. Okay. Donc, on a imprimé de l'holographique dessus pour confondre les mouettes pour pas qu'ils viennent manger vos frites. Je suis contente de savoir que je suis pas une mouette. Moi, je veux quelque chose qui brille puis je cours voir c'est quoi. C'est ça, exactement. Effectivement. Oh, c'est des frites! Ils appellent ça « The pack that scares gulls », donc l'emballage qui fait peur aux mouettes. Et la boîte contient des exclamations comme « scram » puis « chou ». Mais exactement en anglais « scram » et « chou ». Comme dans « Allez-vous-en, les oiseaux ». On dit qu'il y a beaucoup de ces mouettes-là qui sont proches de la plage. Et il y a des « Hungry Jack » qui sont sur la côte de l'Australie. Il y en a 8, en fait, près des rives de l'Australie. Voilà. Ensuite, toujours aux États-Unis, on va chez Baskin-Robbins, qui nous amène une nouvelle crème glacée au lait de céréales et aux Oreos. Ah, leur, ça a l'air trop bon. OK, oui, c'est la saveur du mois d'août. Donc, c'est le Oreo Milk and Cereal. Donc, ça combine les biscuits Oreo, bien sûr, avec les céréales, le lait de céréales qu'on retrouve au fond d'un bol. Spécifiquement, donc, c'est une saveur de crème glacée à saveur de lait. Étrange quand même d'avoir de la crème de la saveur de lait. Oui. Et des morceaux d'Oreo avec des cornflakes frosted. Cornflakes, donc comme des frosted flakes. Hein. Et un ruban de céréales de flocons de maïs sucré. Donc c'est comme un filet de ce qu'il y a sur des frosted flakes. Je n'en ferai qu'une bouchée. Ah, mais ça. Ça a vraiment l'air délicieux. Ah, génial. Donc ça, on offre même chez Baskin-Robbins une cuillère gratuite de 4 onces de cette crème glacée-là quand vous téléchargez leur application mobile. Donc, si vous passez aux États-Unis dans les prochains moments, il y a des coupons, des trucs de rabais comme ça sur leur application. Je commence mon passeport maintenant. Oui. T'as à dire, Lynn? Est-ce qu'on s'en va aux États? Oh, ça va tous ensemble. C'est fun de faire une émission live aux États-Unis avec les produits qu'on mentionne dans ce bouche. Toujours un autre spot de. C'était lequel? C'était. Il y en a plusieurs dans ce. Ah, c'est. Premièrement, c'était l'article sur lequel il y avait le cappuccino glacé Tim Hortons. C'est ce qui prouve que j'allais en parler. Mais aussi, on a du lait au chocolat, en fait, qui est sans lait. C'est du lait à base de plantes nutritives. Il l'a en version sans sucre et en version chocolatée, ça s'appelle le Ripple. Toujours aux États-Unis, donc on a 8 protéines par portion, 0 sucre. Ça dit 50 fois plus de calcium que le lait normal. Donc, c'est du lait à base de plantes, en fait, du. Ouais, c'est du lait de pois. Voilà, du lait de pois. Et toujours la même page, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, je pense que c'était à peu près tout pour celui-là. Il y avait ensuite celui-là. Il va vous faire changer d'avis sur le bonheur que vous viviez avec la chronique jusqu'à maintenant. C'est du lait de cafard qui s'en vient bientôt. Hein? Des chercheurs indiens ont trouvé qu'une espèce de cafard vivipare produit une substance très calorique qui pourrait être introduite dans l'alimentation humaine. Ce lait sert à nourrir les petits cafards et n'aurait pas un mauvais goût. J'aime quand, tu sais, c'est un bon élément de marketing de me dire « ça n'a pas mauvais goût ». C'est dégueu, là. Je fais juste voir le. Ouais. Surtout pour une végétarienne en plus. Vidéo, puis je suis comme moi. Je veux pas aller voir ça. Est-ce que t'es végétarienne ou végétalienne? Genre, tu boiras pas de lait de. Ben là, qu'est-ce que je viens de boire? Tu sais, des fois qu'elle l'a fait juste pour l'équipe, tu sais. Mais elle tu l'as fait dans la vraie vie, tu sais. C'est bon? Non, ouais. Je suis végétarienne. Bon. Donc, les insectes se profilent de plus en plus comme la nourriture du futur, nous dit l'article de Futura Science. Au cours des prochaines décennies, l'être humain ne se contenterait pas seulement d'un apéritif aux sauterelles, mais il pourrait aussi puiser son énergie dans le lait de cafard. Une étude menée en Inde a démontré l'existence de cette substance dont l'aspect diffère de celui du lait de vache. Les recherches ont permis d'établir que les sécrétions d'une espèce particulière de cafard étaient 3 fois plus caloriques que le lait de bufflone, connu pour sa richesse en lipides et en protéines, et 4 fois caloriques que son cousin bovin. La femelle Diploptera punctata. On dirait une chanson du Roi Lion. secrète du lait après avoir donné naissance à ses petits. Ces derniers se nourrissent et grandissent grâce à cette substance produite dans l'intestin de la mère. Dans l'intestin de la mère. Le lait de cafard contient aussi bien des protéines que du sucre et des lipides. L'étape suivante consiste désormais pour les chercheurs à trouver une solution pour une production à grande échelle. D'après la biochimiste de l'étude, l'ingrédient n'aurait pas mauvais goût ou l'on pourrait tout à fait imaginer introduire un jour dans la consommation humaine. Des résultats pourraient être obtenus grâce à un concept d'élevage à base de levure. Donc les consommateurs phobiques et les insectes se rassurent, des années sont encore nécessaires pour faire aboutir ce projet et vérifier si la découverte ne constitue pas un danger pour l'homme. On s'entend, il y a beaucoup de travail social à faire avant d'introduire les insectes dans l'alimentation courante, surtout en Occident, on s'entend, parce qu'il y a plein de pays qui consomment déjà beaucoup d'insectes. C'est une source de protéines facile. Mais c'est pas du lait, là. Non. Oui, une sécrétion. Y a-t-il une sécrétion? C'est du jus. On s'entend? Une boisson. Un breuvage. C'est le mot le plus dégueulasse au monde, sécrétion. Je te prendrais un verre de sécrétion. Non. Du jus de cafard. Mais non, ça me fait penser, tu disais qu'il y a beaucoup de travail sur sur le fait d'accepter ces choses-là. L'acceptation, oui, c'est bon, ça. Les Américains ont capoté quand il y avait de la viande de cheval dans leur bœuf, ou je sais pas trop quoi, alors qu'on mange du cheval et du lapin ici fréquemment au Québec. Ça. Fréquemment, peut-être pas. Ben, c'est pour connaître l'épicerie locale, genre normale, métro, genre pas une épicerie fancy. Là. Oui. Donc, c'est, j'imagine, fréquent. Rendu là, c'est peut-être plus une question de conviction. Moi, manger du cheval, j'ai bien de la misère avec ça. C'est un animal tellement intelligent et attachant. Puis le lapin! Mais oh, c'est tellement bon, le lapin! Tu manges du kangourou, toi, régulièrement? Non, à l'épicerie, même. En ce moment? Oui. Genre au Québec? Oui. Ben là, présentement dans l'année, je sais pas, mais présentement en 2016, oui. C'est pas à saison. C'est pas à saison, je sais pas. Ça non, pousse l'hiver. Mais ils vendent congelé, fait que j'imagine que c'est en saison à la... En Australie. En Australie, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Winter. C'est peut-être leur saison pareil. Ton accent britannique est parfait. Est-ce que vous aimez les brunchs? Oui. Toujours. Est-ce que vous aimeriez une convention un peu comme le Comic-Con, mais un brunch-con? Ah oui. La vraie convention de brunch. BrunchCon, qui s'en vient au centre-ville de Los Angeles le 14 août. Donc, vous avez encore le temps de vous rendre, c'est au dimanche, au The Reef. L'événement va avoir 100 différents aliments et boissons. Un Bloody Mary Mimosa Sangria Bar, qui s'appelle le Hangover Lounge, le salon du lendemain de veille. Il y a du speed dating, de la cuisine, des démonstrations de cocktails, un marché qui va vendre une tonne de marchandises thématiques sur le brunch. Si vous ne pouvez pas vous rendre, il va y avoir un reportage sur le site sur assemblagerequis.com. Je vais le poster dans les prochaines semaines quand ça aura lieu. Le BrunchCon. C'est vraiment une idée profondément brillante. Génial. Hein? On devrait partir ça au Québec. Ah, Colin, que oui, on a tellement d'opportunités ratées au Québec. Faut qu'on se force un peu, le brunch. Tiens, est-ce que vous avez entendu parler du remplacement pour les pains à hamburger? Ouais, non? C'est pas précis comme question. C'est pas très précis. OK, je vais recommencer au début. C'est bien la mode en ce moment chez McDonald's, OK? Tu peux remplacer... Tu sais, dans les menus là, que tu payes sur les pitons? Oui. Bon, tu peux faire remplacer ton pain par deux tranches de salade. C'est bien ça. Burger, tu peux remplacer par ça. Oui, c'est la mode. C'est bien la mode. Il y a quelques temps, il y avait... tu remplaçais ton pain par des nouilles ramen sèches. C'est ça. Il y avait aussi remplacé ça par une tomate pendant un bout de temps. Mais tu m'as eu au ramen. Hein? Ouais, j'avoue. Hein. Mais là, on remplace le pain par de l'avocat. Et non pas de l'avocat, mais un avocat. Hein? Donc, c'est un petit burger avec une moitié d'avocat sur le dessus et une moitié d'avocat en dessous. C'est un styliste alimentaire ou culinaire et photographe basé à Amsterdam. Une personne qui s'appelle Colette Dyke. Et puis, c'est ça, ça ressemble à un œuf ou à un avocat étiré. Mais, alors, c'est super beau. C'est très beau. Mais moi, mordre dans un avocat, je ne sais pas. Mais ça doit mal... Excuse-moi, ça doit mal... Tu sais, je veux dire... Se tenir, genre? Ben, c'est ça, j'allais dire. Tu rentres ça dans quel sens, dans ta bouche? C'est mou, un avocat, non? Oui. Oui, c'est glissant. C'est glissant? Aussi. Oui, mou et glissant, tu sais. Fais attention dans ce temps-là. Il faut de l'antidérapage, quelque part, c'est ta langue, hein? Qu'on lance la langue, c'est parfait. Comme le bas. Le bas de tantôt, là, le bas sandal. Ah, le bas sandal, excuse-moi. Avec l'antidérapage. T'as bien raison. Eh boy. Ce bas-là pourrait servir à tellement d'affaires pour antidéraper. Ben, tu mets autour de ta poignée, genre, s'il y a un bas, faut que tu rentres parce qu'il y a des relations. Ben oui. Bref, c'est pour remplacer le pain, un avocat. Deux derniers avant le prochain produit. Taco Bell présente maintenant le Walking Nachos. Tu connais Walking Dead? Mm-hmm. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, le Walking Taco. En fait, Walking Nachos, ce que c'est, là, pour les gens qui ne connaissent pas les Walking quelque chose, dans le domaine de la nourriture, c'est quelque chose qui est supposé ressembler à un plat connu qui se mangerait mal quand tu marches, mais qui est arrangé pour être mangeable quand tu marches. Ah, j'aime ça! On se comprend. Donc, c'est les Walking Nachos à Charlotte, en Caroline du Nord, qui va commencer à être testé là. Donc, ça vient dans une enveloppe d'aluminium et ça contient des Doritos, des garnitures comme de la guacamole, la crème sure, du bœuf haché, du fromage nachos, du fromage effiloché, peu importe, en copeaux. Des tomates et un peu de salsa. Et on prévoit amener ça dans le futur. Donc, tu peux le prendre dans un sac avec une fourchette. Tu manges ton nachos. C'est bien. On fait ça avec des trucs santé. Ben oui, c'est ça. C'est une bonne idée. et c'est marqué dans le coin, il y a une icône qui dit ne pas mettre au micro-ondes. Sûrement parce que c'est un papier en aluminium. Ils te laissent ça au restaurant dans l'aluminium. Ça reste chaud longtemps. Tu peux marcher puis manger longtemps pendant que tu t'en vas à ton rendez-vous. Et finalement, on va sur Instagram, on va sur Internet en général pour aller regarder de la nourriture qui a l'air de la maudite bonne nourriture. On dirait des pennies aux boules de viande, des tomates séchées au soleil. Mais non, c'est du carton. Hein? Tantôt, je demandais à Linton si elle était capable de faire de l'origami. Elle a dit que oui, tu pouvais faire... Qu'est-ce que tu peux faire? Une cocotte. Une cocotte. Ou une pomme. Ou un orange. C'est ce qu'on peut faire en origami. Moi, je fais un avion. Ah oui, c'est capable de faire un avion aussi. Mais mon succès, là, c'est le bateau. Mais ça se mange pas. Puis je pensais vraiment que t'allais dire que je peux faire un avion une fois qu'il est accidenté sur le bord d'une montagne, mais c'est pas ça ta joke, finalement. Moi, je suis capable de faire ça. Moi aussi. Bref, c'est un artiste du stop motion Yell Design qui redéfinit le terme artiste alimentaire avec une série de vidéos qui montrent une variété de nourriture en train d'être créée avec du papier ou du carton. Elle s'appelle les Paper Meals. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les liens. Il fait des paniers avec des boules de viande, des ramen. Hein, Steph? Hein? Ils sont déjà mangés. Sont déjà écoute, mangés. Limite, je me suis pas rendu compte que c'était du papier. Ouais, avec un petit peu de ketchup, là, du papier, c'est très bon. Fish and chip, banana split. Évidemment, faites attention, ça pourrait vous donner faim. Comme on dit sur les articles sur Internet, trigger warning. Vous pouvez avoir faim. C'est tout pour ce bloc de, je crois, 10 nouvelles. Ça veut dire qu'on est prêt à passer à un autre produit avec Steph Paradis. Avec le mien, est-ce qu'on fait le mien? Oh, t'es tout énervé toute fois qu'on fait le tien? Je sais pas, parce que t'avais un ordre de prédéfini. Ben, peu importe. OK. On va manger de toute façon. On va manger. Moi, de toute façon, j'ai faim pour ça, puis je les ai vus passer sur Facebook tantôt. Oh, sainte. Ce matin, ben, pour vrai, la plupart des produits que j'amène... C'est des chips, c'est sûr. Oui, voilà de poche, elle a fait 90 sacs, c'est super évident en plus. Ben oui, mais c'est toi qui as choisi ton sac. J'avoue, hein. Ben en fait, ouais, t'as raison. Fait que c'est ton problème. C'est mon problème. Mais bref, peu importe. D'habitude, j'amène des produits qui sont relativement obscurs. J'essaie de trouver quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais goûté. C'est le but de la chronique. C'est bien, c'est pas raciste. C'est pas raciste. Je te dis relativement obscur. Oui. Ça veut dire qu'ils sont pas tout à fait, ben ils sont quand même vendus en magasin. Ouais, OK. Ils sont pas genre en préparation dans une usine, genre seulement nous qui vont les tester. Ça, ça serait obscur. Ça serait... Mais hein, si quelqu'un veut faire ça, appelez-nous. Hein? Effectivement. Bref, j'ai vu passer sur Facebook, c'est pas un produit obscur, c'est un produit quand même, je dirais, très très populaire. Borderline, je le ferais pas si c'était pas que personne d'autre le fait. Les seules affaires que j'ose pas toucher dans cette chronique-là, c'est Pepsi Crystal, parce que tout le monde le fait à radio, t'sais. Et les Legs quand ça sort à chaque année. T'sais. Ah ouais, toutes les radios ouais, font ça. Ouais. Fait que j'évite ces affaires-là qui sont trop connues. Mais ça, j'ai pas entendu personne en parler, parce que c'est quand même relativement correct. C'est des Ruffles, chili et fromage. Oh, est-ce que ça va être décevant comme les chips de l'autre fois, là, la sriracha, je sais pas trop. Je me le demande. La face de Steph du tout, c'était comme excitation. Pas sûr. Pas sûr. Est-ce que c'est un chili con carne ou un chili végétarien? Il m'a l'air con carne parce que je crois voir des traces de ce qui ressemble à de la viande, mais je pense pas qu'il y en ait dedans. On va le lire sur l'emballage. Okay? Ben, je pense pas de toute façon qu'il y en ait dedans. Je pense pas qu'on lira pas les ingrédients pour savoir manger. Ça va être de la saveur artificielle de bœuf de toute façon. Ben, moi, je dirais que ça va être de la fumée de bacon, probablement. Penses-tu? Juste de la fumée, ce qui est pas de la viande. Mais oui, mais c'est pas un saveur de chili, ça, la fumée? T'as raison. T'as bien raison. Je vais lire à la place sur l'emballage. Okay? Déballeur de saveur. Bien garni, en gros, bien garni, déballeur de saveur. Je vous lis le texte et là, c'est... Pareil comme toi. Merci. Ah, oh, c'est pas fin. Non, non, c'est un compliment. Bien garni, c'est comme si c'était gros. mais c'est un texte qui est spécifique au sac. D'habitude, c'est un texte qui regroupe toutes les saveurs. Mais là, c'est juste lui, là. Juste lui, là. Donc, imaginez un bol fumant. Fumant! J'ai dit fumer tantôt. De chili. Débordant de fromage cheddar. Et de crème sure, le tout garni d'ail, de tomates et de poivrons verts. Alléchant, n'est-ce pas, point d'interrogation? Ouvrez un sac de croustilles Ruffles, c'est toile qui mène vers quelque chose d'autre que je sais pas ce que c'est. Chez les fromages, le préparez-vous, sûrement. Et à vivre toute une expérience de saveur, ça nous fait plaisir, Canada. C'est marqué ça. Ils sont pas prétentieux, pas à toi.

Ouais, c'est ça, du tigre, du dragon avec des dents. Avec des dents. Il me dit tout le temps, on est backorder, il n'y en a plus. Voilà. Mais tu peux aller sur leur site web, puis ils ont un plan pour trouver où il y en a. Alors j'imagine que Beccola a dû faire la même chose, donc tu dois pouvoir aller chercher. Oui, fort probablement, il y en a sûrement ailleurs, là, ouais. Parce que c'est tellement bon. Parce que du Beccola, j'en ai vu ailleurs, j'en ai vu à l'épicerie. Donc s'il y a du Beccola quelque part, peut-être que vous pouvez leur demander, hey, pouvez-vous commander quelques caisses de lime, puis quelques caisses de cannelle. C'était quoi ça? Hein, merci Stéphanie pour ça. Hey, ça fait plaisir. Ah, il nous reste une petite dizaine de minutes. Ah, pouce en l'air, clairement. Oui. Pour tout le monde, là, je pense. Des fois, j'oublie de le dire parce que c'est trop évident. Tellement. Donc, quelques nouvelles pour terminer notre bloc d'une grosse pointe à l'adresse. On commence avec une nouvelle qui a fait le tour quand même cette semaine. C'est la machine distributrice de pizza. Peut-être en avez-vous entendu parler, non? Non. Donc, on entre au 21e siècle aux États-Unis avec une machine distributrice de pizza. Des ingénieurs des Pays-Bas ont développé et utilisé une technologie qui arrive au... non, c'est ça. C'est eux qui l'avaient développé, mais là, c'est maintenant arrivé aux États-Unis, à la Xavier University de Cincinnati, en Ohio. Un Xavier U Pizza sont préparés et chargés dans la machine par une équipe dans la cafétéria qui, selon le Cincinnati Business Courier, ont jusqu'à 40 heures de training de la part d'un chef français pour être capable de faire ces pizzas-là de la bonne façon. Une fois que quelqu'un place une commande qui coûte en dessous de 10$, leur pizza préférée va être cuite dans un four à convention à 475 degrés Fahrenheit, ensuite mis dans une boîte et glissée par une slot à l'avant de la machine. Tout ça prend environ 3 minutes, c'est-à-dire 3 minutes avant de manger, ce qui veut dire pas beaucoup de temps. Ben non, c'est rapide. Vraiment très rapide. Donc, le guichet automatique de pizza va être ouvert, est ouvert depuis hier, le 8 août. La bâtisse se ferme les jours de semaine à 20h, blablabla pour les détails, mais quand même, c'est dans une université aux États-Unis, ça a lieu là, là. Mais pourquoi un chef français? Je veux dire, de la pizza, c'est pas français. Au moins, un chef italien. Hein? En tout cas. C'est tout ce qu'on réussit à trouver, pourquoi? Ensuite, oh là, ça c'est cool. On parle souvent à l'émission de churros. C'est comme une genre de pâtisserie sur un bâton, c'est super bon. Maintenant, on a des churros au Oreo. Deux desserts ensemble, oui. Et c'est individuellement emballé. Et ça vient avec une petite trempette à la crème d'Oreo. À la crème, pas au Oreo comme au chocolat. À la crème comme quand que dans un Oreo. Hein? Donc, tu peux tremper ton churros Oreo dans la crème et capoter ben raide. $47.75 pour l'emballage de... Attention. Deux! Pardon? 2000! OK. 2000 churros pour $47.75. Ouais, ils ont pas pensé à faire des formats plus accessibles. Ben ouais, j'avoue que sur Amazon, ça va directement vers cet emballage-là et ça ne parle pas de plus petit. Mais j'ai vu que chez Oreo, ils ont quand même fabriqué des Handy Snacks, qui est vraiment pas la même chose. C'est comme plus des petits biscuits au chocolat qui se trempent dans la crème. Ah, un peu comme les petits bâtonnets qui se trempent dans le fromage. C'est ça, c'est la même chose, mais moi, je préférais les churros. Ben, on en commande. Coudonc, 47$, on est obligé. Ouais, c'est fou, on peut bien débarquer. Pour 2000. 2000! Imagine, 2000, on pourrait en donner aux étudiants, puis enfin, ils commencent à nous écouter. Continuons ensuite avec un enleveur de cœur pour les petits cupcakes. Je vais essayer de commencer par comprendre pourquoi est-ce que tu devrais enlever le cœur de ton cupcake, parce que c'est la partie la plus moelleuse. C'est un peu cruel, non? C'est un petit peu cruel. C'est littéralement sans cœur. Ça doit être pour les farcir. Ah, peut-être pour les farcir avec un petit... Oh, j'avoue, t'enlèves le cœur jusque presque en bas, tu mets du caramel dedans. Tu leur bouches. Tu fais des timbits avec ton intérieur. Ah, comment t'appelles ça? Je fais tout le temps des timbits avec mon intérieur. De... Ça veut rien dire. Ça n'a pas rapport. T'allais dire? Hein? Donc, c'est antidérapant de tous les côtés. Et puis, vous allez pouvoir enlever le centre de votre petit gâteau en un seul mouvement rapide et éjecter le remplissage ailleurs. $7 américains pour ça. Éjecter le remplissage. Éjecter le remplissage du cupcake. L'intérieur. Ouais. Ensuite, on reste dans les desserts avec de la... Attends un peu, c'est quoi ça? On commence par... Ça se passe à Londres. C'est le Milk Train Café qui a créé ce qui est de la... c'est de la crème glacée molle entourée de barbe à papa pour faire comme si la crème glacée était en train de partir en mission dans l'espace à travers les nuages, tu comprends? Donc, le cornet avec la crème glacée est garni de barbe à papa autour, donc t'as l'impression que le cornet flotte sur le nuage. C'est inutile et j'en veux. Et j'en veux deux. Donc, tu peux nous en plusieurs saveurs, dont vanille matcha et hojicha. Je connais pas le hojicha. Ah, attends, c'est un thé vert japonais léger. OK. Le lit Il fallait qu'il flotte, il est sur un nuage. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Hein? C'est pas de l'hélium, c'est quand même pas de l'hélium. Donc, le lit de barbe à papa peut aussi être une plateforme pour des garnitures comme des biscuits, du popcorn et des bonbons japonais. Non. Tout ça pour $6.50. Ben voyons donc, il y a des Instagram là-dessus, puis ça me donne tellement faim. De la barbe à papa, waouh, j'aime tellement ça. Ça, par contre, je dois dire que ça m'intrigue pas mal. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, attends un peu, pourquoi est-ce que ça m'intéresserait? Mais finalement, non, c'est le spadel, qui est comme un couteau de l'armée suisse pour la cuisine. En le regardant avec la forme, ça a l'air un petit peu bizarre, mais on voit qu'on peut s'en servir comme spatule, comme louche, comme plein d'autres trucs. Donc, si vous êtes le genre de personne minimaliste un petit peu, vous devriez peut-être regarder la spadel. Ça va au lave-vaisselle. C'est une cuillère en nylon. Qui s'est converti en louche avec une simple twist de la poignée. C'est donc en silicone flexible pour le bout, donc tu peux gratter dans ta poêle. Et ça peut aller jusqu'à la chaleur de jusqu'à 260 degrés Celsius, 500 degrés Fahrenheit. Mais attendez, il y a plus. L'outil a un autre petit truc. C'est aussi une cuillère avec une capacité d'une demi-tasse et des lectures faciles à 100 ml, un quart de tasse, une cuillerée à thé, une cuillerée à table. Donc c'est parfait pour mesurer aussi. Ça coûte 20$, disponible en 8 couleurs sur Dream Farm. J'adore ça, c'est justement plaisant pour les gens, justement, tu dis, qui veulent vivre peut-être plus minimaliste, simplicité volontaire peut-être. Ils veulent juste avoir l'affaire à la vaisselle pour une ustensile, comme mais, ça c'est moi. Non, mais c'est ça l'affaire. Moi, je pourrais pas, parce que souvent, quand je cuisine, j'ai besoin de tout en même temps. Multitask. Faut que tu laves à mesure. Ouais. Moi, je trouverais ça désagréable. Ça m'en prendrait 4-5 comme ça. C'est vrai, mais... Ce qui annule l'effet minimaliste. Mais j'avoue que c'est le fun d'en avoir plusieurs, parce que comme ça, tu peux les sortir puis les utiliser pour peu importe. Genre, ça t'adonne qu'en premier, t'as besoin de la spatule, t'as pas besoin de rechanger. Admettons que t'as besoin de 5 louches. Ouais. T'as transformé. Mais admettons que t'as besoin de 5 louches. Hein? Comme toujours. Agilou. Ben oui, qui c'est qui fait pas ça, 5 bols de soupe en même temps, sur un poêle à 4 ronds? Puis en plus, il y a un genre de petite encoche. Je sais pas si c'est pour aller sur le bord de ta poêle ou de ton chaudron, peut-être. La petite encoche que. Probablement. Pas que ça tombe dans le fond. Ouais, puis un petit trou au bout pour mettre après ton porte-clés. C'est pas vrai. Pour mettre après un crochet dans ta cuisine. Pour l'avoir en tout temps. Ah tiens, on a parlé tantôt de pizza dans une machine distributrice. Ça nous a tous donné envie d'avoir ça. Mais maintenant, vous pouvez aussi acheter des baguettes. Ah, là, le chef français pourrait se faire aller la baguette. Attends un peu, ça faisait bizarre. Ouais, non, vraiment, c'était très bizarre. C'est ça que je voulais dire, c'est pas mal ça. Donc, une baguette fraîche dans une machine distributrice, c'est à San Francisco que ça se passe. C'est donc un entrepreneur nommé Benoît Hervé qui a fondé le Bread Express, une micro-pâtisserie ou boulangerie. En fait, c'est quoi la différence entre une pâtisserie et une boulangerie? C'est la même affaire, c'est de la pâte. Ben, boulangerie, c'est du pain. Ouais. Pâtisserie, c'est les autres affaires. Mais en tant que tel? C'est des viennoiseries dans une pâtisserie. Moi, c'est pas pareil. Pas chambon du pain. Mais en anglais, je pense que c'est bakery pour les deux. C'est hein? pour ça que j'ai dit ça. Oui, c'est bakery pour les deux. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est mêlant. Et boy! En tout cas, bref, des fois, on définit des choses différemment dépendant de la langue. Hein? On se met des barrières. Donc, ça sort des baguettes fraîches 24 heures par jour au Myriad à San Francisco. C'est un mélange parfait, nous dit-on, d'innovation technologique san franciscaine, j'imagine, et de cuisine française traditionnelle. Donc, à chaque jour, on la charge, cette machine-là, de pain partiellement cuit, un peu comme genre à la Subway. Et les clients ont juste appuyé sur quelques boutons, soumettre leur paiement via Android Pay et Apple Pay pour recevoir leur baguette bien chaude dans quelques secondes. Hervé a été inspiré pour le Bread Express par une recherche longue et décevante pour trouver la vraie bonne baguette de San Francisco. Comme les baguettes que la machine produit, la machine elle-même a été inventée par un pâtissier ou un boulanger français. Hervé a développé sa propre version de ce design-là pour pouvoir amener le pain dans la ville du Golden Gate Bridge. On dit que malheureusement pour les autres gens qui ne sont pas à San Francisco, ça existe seulement au Myriad pour l'instant, mais il prévoit amener ça au Stonestown Galleria aussi à San Francisco. Et après ça, si ça a du succès, ça pourrait aller ailleurs. Je peux comprendre comment peut se sentir un Français quand il arrive en Amérique. Eux autres, je pense qu'ils comprennent pas notre pain tranché. C'est un petit peu plat du pain tranché. C'est comme du pain pas frais. Je pense qu'ils sont habitués d'aller vraiment aller chercher leur pain quotidiennement ou de faire leur pain peut-être, là. Comme les expressions, le pain quotidien. Voilà. C'est... Jésus était français, tout le monde sait ça. C'est ça. Ouais. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que le pain, faut le magasiner vraiment comme il faut dans la vie quand c'est pas des baguettes parce que la plupart des pains sont vraiment pas bons. Je m'excuse, mais le pain gadois, je suis pas capable. Mais ça goûte rien. Pas capable, ça goûte rien. Mais tu regarderas les ingrédients quand l'eau vient en premier. Ouais. Pose-toi des questions, t'es vraiment en train d'acheter de l'eau. Tout à fait d'accord avec toi. Clairement. Il est moelleux jusqu'au dernier jour de sa préemption. Il est moelleux, moelleux, moelleux, moelleux. Ben, c'est ça que mes parents achètent, mais à ce temps, j'achète le pain de chez Saint-Méthode. Ok, oui! Avec plein de grains dedans. Oui! Ouais. Ben, sans sucre ajouté. Hey, que de conseils de pain aujourd'hui. Hein? Continuons. Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi s'arrêter à des cases horaires? Hein? Pourquoi? Parce que c'est pour les gens là, qui ont des conventions. Des conventions ou des rendez-vous chez le Kirou. On va faire quelques dernières, vraiment rapidement. Pas celle-là, parce que ça, c'est une liste de 13 saveurs de Doritos qui existent plus. Je pense que ça pourrait être long. Allons-y avec des plats qui jouent avec des illusions d'optique lorsque remplis de sauce soya. Intéressant. Mm-hmm. Donc, si vous cherchez un plat à sauce soya, donc on cherche vraiment un plat pour mettre de la sauce soya dedans, on se comprend. Esthétiquement plaisant pour vos sushis, par exemple, c'est Gizmodo qui nous parle de ce plat qui est en fait une illusion d'optique. Ça s'appelle, pardon, Soy Shape, c'est les restants de la liqueur de thon. Soy Shape, donc, du designer basé à Tokyo, Duncan Shotton, qui utilise des designs en céramique pour simuler un effet visuel. Donc, ça vient en deux formes, un triangle ou un cube. Et selon le projet Kickstarter, les formes irrégulières de la surface tirent profit de la gradation des couleurs qui arrive lorsque la sauce soya est à des profondeurs plus ou moins profondes. Donc, si c'était moins profond, c'est plus pâle. Et si c'était plus profond, c'est plus foncé. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a plus. C'est ça. C'est un peu le même principe. Tu sais, les gens qui font des crêpes, qui font des dessins avec des crêpes, plus ça cuit, plus ça va être foncé. Ouais. C'est un peu le même principe avec la profondeur. C'est très, très beau. Vraiment cool. Ça fait comme des cubes dans celui qui est en genre De cubes, un trèfle. L'assiette est en genre de trèfle, ça fait trèfle carré. Trèfle carré. Et ça fait des cubes. Et l'autre est en triangle et ça fait le triangle, tu sais, qui court dans lui-même, là, que tu sais pas trop où il finit. C'est beau. Bref, un peu difficile à expliquer à la radio, mais ça demande donc ça demandait 10 000 $ sur Kickstarter. Ils ont dépassé ça. Et puis votre plat ou assiette, peu importe, de votre choix, 20 $ ou plus sur Kickstarter de Soy Shape, livré en octobre cette année. C'est vraiment beau, puis ça fait vraiment parler. Mm-hmm. Ça fait que tu vas manger des sushis plus souvent, puis ça, ben y a pas de mal là-dedans, hein? Ben non. Le Moleskine Café de Milan invite les gens à être très créatifs. Donc, vous connaissez peut-être les carnets Moleskine, c'est comme des petits livrets, genre avec des lignes ou pas de lignes, ou avec des cubes, ou des carrés, ou peu importe. Et tu peux écrire dedans, pis c'est super sophistiqué, c'est comme un genre de faux cuir dessus, puis bon. C'est bien fancy, ça coûte comme 6 fois le prix d'un carnet normal, mais tu te sens hâte de l'avoir, t'sais. Bon, ça s'appelle les Moleskine. Donc, c'est leur signature, c'est ce que les gens connaissent. Et là, il y a un nouveau Moleskine Café qui va s'ouvrir à Milan, qui aimerait être un espace créatif pour les gens. C'est sur 2 étages, simple et chic, et c'est inspiré par le carnet. Donc, la place où tu travailles et où tu manges va avoir une table pour les équipes, des tables privées, des sièges genre en cuir, super chaud, couleur primaire et du blanc sur les lumières. C'est comme super minimaliste, très, très genre, vraiment, on dirait une pub d'Apple, mais avec un petit peu plus de meubles. Et à la vente, un comptoir où on peut commander soupe, sandwich, salade et espresso, café de qualité. Et après ça, on peut acheter, évidemment, des grains de café à marque Moleskine. Et on peut acheter des petits cahiers, tout ça, et dessiner. Donc l'idée, c'est de sortir la créativité dans cet espace-là, qui va aussi servir de galerie d'art pour les artistes qui vont peut-être avoir même travaillé dans le café. C'est pas la première fois que Moleskine s'aventure dans les cafés. Ils ont lancé un café dans l'aéroport de Genève récemment, mais c'est la première fois qu'ils vont dans des endroits urbains où les artistes se rassemblent habituellement. Et puis la compagnie a les yeux ouverts pour peut-être ouvrir quelque chose en Europe, en Asie et en Amérique du Nord bientôt. Et pour terminer la chronique en beauté, on s'en va au Japon où il va y avoir des oignons sans larmes. Pas les oignons, vous autres quand vous allez couper. Ok. On comprend, ouais. Ouais, on n'aime pas ça quand les oignons pleurent. Pour les gens avec des yeux sensibles, c'est impossible de couper un oignon sans évidemment pleurer. C'est impossible. Impossible. Oui, c'est possible. T'as déjà coupé un oignon sans broyer? Oui. C'est un cœur de pierre! Donc, c'est des chercheurs japonais qui ont développé une nouvelle sorte d'oignon qui ne produit pas le même effet secondaire. Après 20 ans d'essais et erreurs, le Smile Ball, c'est son nom, va être prêt à arriver au Japon dans les supermarchés. Le produit à l'origine était vendu dans les magasins, les grandes surfaces de Tokyo et des boutiques en ligne l'an dernier. Les clients ont ramené presque 5 tonnes de ces oignons-là pendant leur essai. Indiquant donc que le marché était prêt pour ça. Comme plusieurs autres légumes, trancher les oignons, ça fait sortir une réaction chimique. Là. On n'est pas là pour expliquer ce phénomène-là, mais ça s'appelle l'alinase, une des enzymes présentes dans les oignons, qui est aussi responsable pour l'odeur signature de l'ail. Il y a aussi déjà une version plus légère de l'ail qui sent moins fort, qui est sur le marché. Ça existe, de l'ail qui sent moins fort. Est-ce que ça goûte moins? Ça le dit pas. Ça dit milder sting-free garlic. Donc, j'imagine, oui, plus légère, c'est de goûter moins fort aussi. Il faut que t'en mettes plus, fait que ça s'annule. Peut-être. Pour les chefs qui sont hésitants, donc, à porter des lunettes, par exemple, si c'est des conseils pour quand on tranche des oignons, c'est de porter des lunettes de plongée. Donc, ça pourrait quand même vous attirer. Smile Ball, sans larmes, ça se distingue d'un oignon conventionnel de d'autres façons. Il n'y a aussi pas. Ça manque aussi, ça n'a pas de, n'est pas présente de la liste, l'odeur familier de l'oignon. Et ça goûte. Ça goûte de rien, finalement. Sucré comme une pomme mangée crue. Ben, finalement, mets des pommes dans ta recette. Un emballage de 2 oignons coûte 4,30 $ américains. Environ 2 fois le prix des oignons réguliers, une fois que ça va être rendu en magasin. Ça dit « lacks the familiar smell », donc ça sent moins fort, et « tastes sweet like an apple when eaten raw ». Donc, attends, lorsque mangé cru, l'oignon goûte comme une pomme. C'est ce que la phrase veut dire. Puis cuit, il goûte l'oignon? J'imagine. C'est ça, la phrase n'est pas claire. Mais cru, goûte les pommes. J'essaierai pas pareil. Ouais. Je sais pas. Mais tu peux jouer un tour à quelqu'un, dis « Gaga, je vais manger cet oignon-là de même cru ». Oui, mais t'as l'air hot. Ouais. Ben, ou un peu niaiseux. Si tes amis sont comme vraiment comme facilement impressionnés. C'est des douchebags. C'est tout des douchebags, tes amis, on sait. Voilà, c'est tout pour une grosse pointe à l'adresse. On a dépassé de quelques instants. Ça nous apprendra, là, Colin, de méchants garnements rebelles. Toi, ça se peut-tu, ça? Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est en fin de semaine, on va être dans des cases horaires tellement approximatives que ça vous dérangera vraiment, vraiment pas d'avoir l'émission plus longue, parce qu'on va être après rien. Pendant tout, en fait, on va être après le Grand Prix. Cette fin de semaine. Donc, parlons de la programmation sur C'est fou pour notre émission. On va être de retour la semaine prochaine, toujours les mardis, entre 14h et 17h. Aujourd'hui, il n'y a pas de baseball. Donc, logiquement, ça voudrait dire une nouvelle édition de la sortie de secours est à votre gauche à partir de 20h. On repasse le samedi. On ne sera pas à midi cette semaine parce qu'on va être après le Grand Prix. Donc, cette semaine, ça a été vers les 19h. Attendez-vous à peu près à 19h-20h pour la rediffusion qui va être présentée en premier, suivie des autres diffusions qui ont lieu habituellement le samedi, donc le voyage insolite, radiosonique et audiomatique. On passe le dimanche entre 10h et 13h. Non, habituellement, oui, mais là, il y a du, encore une fois, le Grand Prix. Donc, on va être juste après le Grand Prix, encore une fois, vers les 19h, suivi des rediffusions qui auraient lieu habituellement cette case horaire-là. Donc, on parle d'En Piste avec Tania Baudin et de Rock de Neuron qui devrait jouer juste après Assemblage Rocky en fin de semaine. Allez voir sur la page Facebook pour en savoir plus, assemblagerocky.com pour les notes d'émission, les balados diffusion. Je remercie, bien évidemment, Lintan et Stéphanie Paradis. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir été là pour avoir remplacé Tania Baudin qui va être de retour la semaine prochaine. On s'ennuie super gros d'elle. Elle fait du super bon travail. On veut, tu sais, pour vrai. Tania, reviens nous voir. On t'envoie plein d'amour. Bisous. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Bye. Des chips. Merci de gorger.